take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. De la semaine avec Evangeline qui sera là tout à l'heure. J'adore cette chanteuse, j'adore ce... Je veux voir la tête qu'elle a. Je veux voir à quoi... Sur la pochette, elle a l'air jolie. Oui. Elle a l'air jolie, Evangeline. Ouais. Petite blondinette là, avec... on voit pas grand chose sur les photos. À mardi, on aura Alonso. Bientôt, on se fait une émission avec Kev Adams, c'est la semaine prochaine. Ouais. Kev Adams, Gad Elmaleh et Alvaro Soler. Finalement, il viendra que vendredi. Non. C'est une belle organisation, Julie. Hein. Ouais. On dirait, on va faire une émission avec toi ensemble. Hein. Ouais. Finalement, ça change complètement. Ça a changé tout à l'heure. Tu vas te calmer, tu me parles différemment, s'il te plaît. Kenji, viens nous voir bientôt. Et en même temps, Robbie Williams. Ah non, je plaisante. Ah, je rigole. Oui, oui. Mais c'est bien quand tu rigoles. C'est marrant. Ça va, Julie? Oui, ça va. Ça va. Est-ce que ça va mieux que l'émission d'hier? Oui, ça va. Vous l'avez mis où l'émission d'hier, la belle intervention de Julie? Ah oui, un grand moment de radio. Mais je ne m'en lasse pas, moi. C'était Julie qui prend le micro. Il boit un cocktail et il est en mode je le bois tranquillou. Là, Merci Julie de pas faire. C'est fantastique. C'est incroyable. Elle est là, elle fait une envolée. Il boit un cocktail et il est en mode je le bois tranquillou. Là, Merci Julie. Je tiens quand même à lui dire qu'on lui a pas coupé le micro. Hein. C'est vraiment. T'entends bien le. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je vous vois. On voit quoi? On dit rien. Mais je vois quand vous les allez mettre en galère. Il est en mode je le bois tranquillou. Là on lui. Merci Julie. C'est dément. Quelle belle émission hier. Si vous avez raté, il y a toutes les images. Il y a la vidéo qui cartonne de la vidéo qu'on a fait chez moi. Oui. Avec toute l'équipe, ça vous a plu ça quand vous nous disiez vas-y appelle des stars, fais des appels, fais des FaceTime. On a appelé plein de vedettes, vous nous avez dit, on a appelé plein de vedettes. On a eu tout le monde. Voilà, c'est ça qui est bien. On a eu tout le monde. Hein? Ouais, sans prévoir. C'est vrai. On appelle Kev Adams. Boum, on l'a dans la voiture. On appelle Black M. Kinvey, il est limite dans son lit. Ouais. Black M, il le cherche, il le trouve à la sortie de la salle. On a trouvé d'abord Black M fake. Oh la tête du mec, qui était chez lui, qui était dans son lit. C'est ah, c'était trop bon. Il boit un cocktail et il est en mode je le bois tranquillou, là Merci Julie. C'était bien. Bon, vous avez tous passé une bonne semaine. Ouais. On a eu une semaine de malade. Il s'est passé des trucs dans tous les sens. Ouais, franchement, c'était magique. J'ai kiffé cette semaine. Je l'ai pas vu passer. C'est passé à 200 km/h. Voilà. Laurie, ça va bien toi? Merci. On va ne lui pas ton micro, ce sera rien. On va le laisser comme ça. C'est un nouveau concept. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a une mauvaise nouvelle. Eh oui. Guéguette n'est donc pas là aujourd'hui. Guéguette n'est plus. Voilà. C'est trop tôt. Voilà, c'est une petite opération du trou de balle, je crois. Oui, je crois aussi. Ouais. C'est vrai. Non, c'est ce qui s'est fait enlever. Un grain de beauté, je crois. Oh là, le mec mais à son niveau. C'est quoi cette nature, mec? Ils ont enlevé un grain de beauté, il vient plus à l'émission. Non, mais il est tout le temps malade, Guéguette. C'est une petite. Non, mais il était malade en plus. Depuis mercredi, il est malade. Il est tout le temps. Tout déjà, le temps, Guéguet, dans Malade. Il est enrhumé du 15 septembre au 15 mai, déjà. Et en plus de ça, il est malade du baltrou, le pauvre. Et là, il avait un grain de beauté en plus. Dans le baltrou. On va le perdre. En tout cas, on va perdre son baltrou et après, on le perdra lui. Fiat va bien ? Ouais, ça va. Bon, attention, dans la série Un jour, un Réa. Ça y est, nous avons donc un nouveau réalisateur que nous a confié Énergie. Je crois qu'en 3 semaines d'émission, on doit en être au 5e. Ce qui est quand même beaucoup. Hein. Les gens qui s'y connaissent un peu en radio savent que c'est un turnover de folie. Alors, quel est ton prénom ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me présenter ? Non, parce que non. Je vais en faire qu'une. Tu as... Je vois que ce garçon déjà est intelligent. Oui, oui, très bien. Il est brillant. Il a bien compris que ça ne servait à rien qu'on s'attache à lui. Parce qu'il y a une probabilité de retour. Mais c'est, tu sais quoi ? C'est bien. Oui, bah c'est, on apprend vite. En tout cas. Ah, mais déjà, je vois que tu as écouté l'émission, tu t'es dit, oh, ça sert à rien. S'ils t'ont montré un casier, te fais pas chier à le retenir. Hein. Ça sert à rien. Tu sais quoi ? Sans déconner, elle leur fait signer des contrats à la journée. Ah, c'est vrai ? Ouais. Tu les as lus au moins ? Non. Tu devrais. Connaissant la maison, ouais. Tu devrais. Tu viens d'où, ton prénom ? Je m'appelle Gilles. Je suis enchanté de vous rencontrer. Déjà, Gilles, c'est un peu prénom de mec de 45-50 ans. Mais j'ai 45-50 ans. Si tu restes avec nous, il faudra te trouver un surnom. Gilles, Gilou. Ah ouais. Gilou. Ils t'ont fait venir de loin ou Ils m'ont fait venir de Énergie 12. Ah bah ça va, ça va. C'est adoré. Tu fais Énergie 12. Je travaille sur le Mad Mag. Ah, tu travailles pas donc. Parce que c'est pour ça qu'il postule. Parce que ouais, mec, il y a tellement rien à foutre. Je dis, je veux pas énergie ici parce que je m'ennuie en fait. Qu'est-ce que tu foutais au Mad Mag ? Eh ben, on balade, on voyage, on découvre un nouveau taf. Non mais qu'est-ce que tu t'as pas répondu ? Qu'est-ce que tu faisais au Mad Mag ? Je travaille, je suis chef d'édition sur le Mad Mag pour l'instant. Si ça continue. T'as vu le mec quand il dit ça ? Je suis chef d'édition, enfin bon. Et c'est quoi le rapport avec réalisateur ? C'est que j'étais réalisateur avant. Vu qu'il n'avait rien, en attendant, il a accepté ça. D'accord. Et la chatte d'Afida Turner, alors vous avez dû beaucoup en parler. Ça va bien, ouais. Parce que beaucoup de gens en ont parlé quand même. C'est quand même fou. C'est quand même ça, la télé. Ouais, le Mad Mag, bon, je suis pas. Ni je suis fan, ni moi, je m'en fous. Ils font leur émission, c'est bien. Ils font leur truc, voilà. Ouais. Mais quand même, c'est injuste ce métier. Les mecs, ils sont là, ils se battent tous les jours. Ils ont un studio qui doit faire approximativement la taille d'un placard. Ils sont là, ils voient du public, ils essaient de faire une émission, elle marche pas tout le temps, machin. Ils se battent, quoi, ils essaient de faire de la télé. L'autre, elle arrive, elle monte sa schneck, on ne parle que de ça. Alors que les mecs, ils sont là, ils se disent, bah, mais ça fait 4 mois qu'on fait des vannes quand même, non, on s'en fout. L'autre mais a montré sa chatte. Il fallait l'appeler Paye ta schneck, hein, ça aurait été. Mais excusez-moi, c'est la même chose que ce qu'on disait pour moi. On se fait chier, on a fait 1,2 milliard de vues sur Internet, les mecs, je perds 12 kilos, c'est ce qui. Ah bam c'est vrai, 12 hein. kilos, tout le monde leur tient. Oui, mais j'ai fait 1 milliard, on s'en branle, 12 kilos, c'est bien. 12 kilos, c'est incroyable quand même. Bon, vous l'avez nourri, la petite chatte d'Afida, c'est principal. Faut donner à manger. Ouais. Un beau poil. J'ai vu, elle a un très beau poil. Elle a beaucoup de poils d'ailleurs. Ouais. C'est un persan, je pense. Ça doit être ça. Dans un instant, on aura Caro. Ça va, ma petite Caro ? Ça va, et vous ? Oui, ça va. Bouge pas. Et on parlera du calendrier de Baptiste Giabiconi qui est tout nu. Ouais. Et tout nu ? Ouais. Ah bon, j'ai pas vu. Ouais. Bah, on te le montrera, mademoiselle. Tu lui donneras ton avis. Bougez pas, on vient sur Énergie après celui qui sera notre invité mardi. Si vous kiffez cette chanson, Binta. Un beau prénom, ça aussi. C'est vrai. Binta, on dirait. Et à lundi, hein, on dirait lundi, les filtres à eau, tu sais que tu remplis, et les Brita, là. Ouais, Brita. Voilà, c'était Brita, tout pareil. Brita, Alonso. Brita. Ce sera notre invité mardi. Binta, dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, sous bout. On a perdu la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. J'ai bien capté quête sans tasse. Toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Elle vit la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les hommes sous son blabla. Elle provoque des bagarres, elle est dans le cœur de tous mes scores. Comme Marseille à Panama, on lui veut la pendaison comme Saddam. Soleil de minuit, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta. Ces formes animales te donnent la dalle. Toi comme un chasseur, tu voudrais la battre, mais t'auras du mal. La petite est maligne, elle va te dépouiller, ça y est, elle est là. Ces formes animales te donnent la dalle. Toi comme un chasseur, tu voudrais la battre. Ma, ma, elle va te dépouiller, ça y est, elle vient. Je joue pas tranquillou, là on lui. On... Merci Julie de pas finir. Koï, 19h22h sur Yassou. Ah, ces interventions. C'est magnifique, ouais, intervention de Julie, je l'ai placé à hashtag, vous merci Julie, c'était brillant. Vous m'avez fait des belles, hein, la semaine dernière, vous deux. Hein. Jamais. Bah si. Moi, jamais. Moi, on l'a fait exprès, nous c'était mais écrit. Nous, ouais, mais comme ouais. Julie, quand on fait des trucs, c'est pour déconner, bah, nous. Bien sûr. Pour pas carré, je l'emmerde. Voilà. Je le fous en brochette. C'est comme ça. Bon, on fait un gros bisou à Caro. Ça va, ma petite Caro? Ça va et vous? Oui, ça va, Caro. Avant qu'on parle de ton mail, je n'ai pas le mail de Caro. Ah, pardon, j'ai oublié, c'est ma faute. C'est moi. Ouh là là. Putain, tu cumules, hein? Ouais, j'avoue. Oh là là, vivement que t'ailles au parc avec Gaspard, hein. Hein, vivement que tu l'amènes sur une petite balançoire, que tu te aères l'esprit, parce que... Je suis au zoo ce week-end, les gars. Ah, super. Hashtag week-end de merde. Mais non. Je suis au zoo. La semaine dernière, c'était le parc. Ouais. C'est trop sympa d'avoir des enfants. C'est un truc. En fait, on a des enfants, on a des week-ends de merde. Mais non. Me dites pas que c'est une éclate, on va pas revenir sur ce débat, pour plein de parents qui ont des enfants de 5 ans, de passer une après-midi au parc. C'est pas une éclate. Ah, le parc, c'est une tu les vois, les parents, le ils s'assoient. Tu les vois, les parents, ils s'assoient sur le banc. Et puis heureusement, hein, ils ont tous les jeux, hein, pour jouer avec. Ils sont là sur le téléphone. Une fois de temps en temps, ils disent merde, mon gosse, je vais pas regarder plus 5 secondes. Et là, ça va, ils jouent avec le petit là-bas. Donc voilà, et c'est ça. Et les parents se font chier au parc. Je sais, je l'ai fait. Je me suis fait chier puissance 15 000. Donc il y a un moment, t'en peux plus. Voilà. Après, il dit on va prendre une gaufre. Oui, comme ça, je vais bouffer une gaufre en même temps. Ah non, mais c'est un truc de fou. Il y a les parents qui sont dans la salle, il y en a les plus vieux. Ils me regardent, il y a tellement raison. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier avec nos gosses au parc? Il y a que toi, Julie, qui trouve ça génial. Je suis sûre que non. Demande à la dame. Passe le micro. Bonjour, quel est votre prénom? Rose. J'ai raison, j'ai totalement tort. À moitié raison, à moitié tort. Voilà, je suis d'accord. À moitié, on se fait un peu chier quand même. Ouais. Plus maintenant, hein. Ceux de maintenant, ils ont l'avantage d'avoir le portable avec c'est eux. C'est ça, c'est moi, ça. Moi, je ne l'avais pas. Et Dieu inventa la PlayStation. Ah là là, et les après-midi entières. C'est ça qui est bien. Bon, en attendant, donc, Baptiste Giamiconi a donc, est donc à poil sur son calendrier. Je ne sais même pas qu'il avait fait un calendrier. Moi. Il a fait ça. C'est ambiance à la Dieu du stade. Hein. Ah non, c'est ça, hein, ces photos noires et blanches, c'est joli. Hein, mais bon, faut être fan de Baptiste. Mais c'est tout nu, tout nu. Il n'y a pas de calci, il n'y a pas de slip, il n'y a rien. Non, voilà. Il est gaulé, hein. Ah, il est gaulé. Moi, je me suis renseigné, je voulais faire le mien aussi. Mais la même photo et tout, on coûtait trop cher en retouche. Ah. Ah oui. Sexe trop gros. Ah, trop gros, les mecs m'ont dit il faut cacher, Coco. Je dis vous voulez que je bête? Voilà, c'était pas possible. Caro, ça va, ma chérie? Ça va. Oui, ton petit mail. Oh, qu'il est long. Bonjour, mon Coco. Je m'appelle Caroline, j'ai presque 16 ans. J'aurais jamais pensé y arriver là, mais il faut que je passe un message. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un garçon lors d'une croisière. Depuis la croisière, on s'est revus quelques fois. Jusque-là, c'était parfait. Mais son contrat, il y a quelques semaines, c'est fini. Sauf que mes parents, comme ils l'aiment énormément, veulent le faire revenir. Ah, déjà, te plains pas. C'est rare que les parents aiment le petit copain. Ouais, trop génial pour moi. Sauf que, bam, merci l'État, c'est une honte. Pour le faire venir chez moi, presque 1000 euros le billet de Saint-Domingue. Saint-Domingue-Paris. Et à partir de là, ça se complique. Nous avons été nous renseigner auprès de la mairie. Nous devons faire des dizaines de papiers qu'il puisse venir quelques jours. Mais tu as rencontré un jeune homme de Saint-Domingue? Mais oui, en fait, je travaillais sur le bateau. Mais de quelle origine? Le Saint-Domingue. Mais non, Saint-Domingue, c'est la République dominicaine. T'as vu les reportages là-dessus? Il aimerait bien un petit mariage en même temps, non? Hein? Non, mais en plus, elle a 16 ans, il a 23 ans. Oui, ouais. Bah, il aimerait bien un gros mariage, non? petite signature sur un papier. Hop. Mais non, mais c'est pas. Franchement, c'est pas du tout ça. Non, bah non. Bah non. De toute façon, c'est assez rare. Tu sais, les mecs qui draguent les nanas pour avoir les papiers, c'est assez rare qu'ils disent bonjour, j'en ai absolument rien à foutre de toi. On va niquer un tout petit peu, on se marie, puis je me barre. Hein, vraiment. Mais non, mais franchement, c'est pas du tout ça parce qu'il est attaché à son pays et tout. Il est pianiste professionnel d'appel, mais c'est vraiment pas du tout ça. Bah c'est quoi vraiment... alors s'il a 16 ans, 23 ans déjà. Mais non, mais en fait, c'est parce que c'est la solution de la facilité de le faire venir ici parce que moi, avec mes études, je peux pas. Non, mais attends, t'as 16 ans. Mais tes parents, ils sont pour. Mais mes parents, ils le kiffent, mais ouais. T'as les paroles les plus cool du monde. Génial, il a 23 ans. Mais c'est super. Ils veulent le faire venir pourquoi? Genre pour une semaine de vacances ou pour vivre avec vous? En fait, c'est parce que c'est bientôt mon anniversaire, donc ils voudraient, ouais, une semaine de vacances. Ah bah ça va. Mais vous avez fait des cochonneries sur le bateau? Mais non, mais ça va pas. Ah bah attends, m'engueule pas, excuse-moi. Peut-être que oui, il y a 16 ans. Tu te rappelles que Julie, elle l'a fait à 9,5. Alors bon, quel âge? 14 ans. Je t'engueule pas, mais non, mais de toute façon, je suis trop jeune. Et non. Ah oui, bon, enfin, si tu vas le faire venir, à un moment donné, tu fais rentrer. Ah, mais c'est juste un poteau, c'est pas un amoureux. Si, si, c'est mon copain, ça fait déjà 3 mois, mais. Et lui, ça fait 3 mois qu'il couche pas avec toi? Non, mais, oui. Mais c'est même pas ça le problème. Et ça fait 3 mois qu'il est sur un bateau et qu'il voit passer plein de touristes et qu'il est fidèle. Ben non, Non. Attends, je vais sortir, je vais aller me marrer, je vais rigoler dans la rue. Puis je reviens. Arrêtez la pauvre. Les enfants, arrêtez, c'est comme si tu me disais, je me suis fait draguer par le prof de tennis, ça fait 6 mois qu'il m'attend, il est resté seul. Mais non, mais. Enfin, mais c'est parce que c'est pas les mêmes traditions chez nous et tout. Mais non, mais si vous voulez. J'aime ta naïveté. Ah ouais. C'est très joli. Tout le monde allait sortir ça en fait. Enfin, mes amis, excusez-moi, c'est comme si tu disais je tombais amoureux d'un géo au club et il m'a promis fidélité, ça fait 6 mois qu'il m'attend. Arrêtez. Ouais, j'avoue. Enfin, les mecs, ils voient passer des nanas tous les jours. Ce qu'il a fait avec elle, il le fait certainement avec d'autres depuis, mais il va pas lui dire. Non, mais c'est surtout la différence d'âge, ça vous gêne pas, vous? Elle mais a si, ans, déjà, 23 ans. Mais enfin, ouais, faut que tu ouvres les yeux, chérie. Là. Et puis, c'est quoi le délire avec bravo, merci l'État pour parce que c'est venir, compliqué, je crois. Bah, c'est parce que, en fait, si vous voulez, en fait, pour le. Alors, nous, si on va là-bas, il n'y a rien. On peut y aller directement. Genre, demain, je peux prendre l'avion et y aller. Mais si lui, il vient, on doit faire des dizaines de mais papiers. Il ne peut pas venir en vacances en France. C'est compliqué, je crois. On doit même regarder sur ses comptes s'il a assez d'argent. Je me demande s'il si n'a pas un visa à demander. Il n'a pas un visa? Juste pour vivre. Si, t'as des pays comme ça. Il y a tellement de choses en fait à demander, ouais. C'est un truc de ouf. Bah, parce qu'ils veulent éviter que tous les pays, les gens dans l'île, déboulent en France ou en Europe. Ouais, donc ouais. Ils demandent des visas, des papiers, des trucs pour être sûr que le gars il va pas rester en fait. C'est ça ouais, le truc. Mais ça va jusqu'à aller regarder sur leur compte bancaire. Mais ça, ma chérie, c'est dans beaucoup de pays. Hein. T'as des pays, si tu veux y aller. Alors, y aller en week-end, non, mais si tu veux t'installer, souvent on va te demander de l'argent sur ton compte pour être sûr que tu vas pas vivre au crochet de l'État. Ouais, t'as des pays comme les États-Unis. Tu n'as même pas t'installer parce qu'il va juste venir une semaine pour mon anniversaire. Oui, mais toi, tu sais qu'il va revenir. Mais pour l'État français, ils se disent qu'il va rester. Donc, ils veulent s'assurer du fait qu'il a un métier et qu'il va repartir. Ah, bah, un métier, c'est bien. Bon, mais t'es vraiment sûr qu'il est fidèle. Bah, ouais. Donc, ouais, il a 23 ans, il est sur un bateau, il a plein de touristes en maillot de bain, mais il n'a aucune sexualité, ton copain. Là, il est plus sur le bateau, là, il est rentré chez lui. Bah oui, puis en République Dominicaine, ils sont très habillés avec des doudounes, vraiment, c'est un pays où on n'est jamais en maillot de bain. Ben après, on n'en sait rien. Bon, oui, ça peut arriver, mais disons qu'il y a franchement 9 cas et demi sur 10, c'est. Voilà, 10. Quoi. Ouais, mais j'étais dans le même délire. Enfin, au début, j'ai pensé la même chose et tout. Je pensais vraiment pas que ça allait durer, et franchement, enfin, voilà quoi. Mais c'est, ma chérie, c'est dur. Bah, pardon, excuse-moi, on prend un peu de temps, mais c'est pas durer. Vous durez pas, vous n'êtes pas ensemble, c'est durer dans la. Vous vous écrivez, vous échangez. Mais vous n'avez, il y a rien qui dure puisqu'il y a rien qui a commencé. Il y a eu des bisous. Bah oui. Oui, mais toi t'as 16 ans, tu fais des bisous. À 23 ans, c'est pas les mêmes bisous, c'est dans les fesses que t'as envie de les faire. Non mais enfin, excusez-moi de résumer un peu rapidement. C'est un peu dur, là. Bah c'est un peu. Mais Coco, c'est genre, il a jamais rien fait non plus. Ah, à 23 ans. Il y a rien avant le mariage. Ah d'accord, il attend le mariage pour faire des choses. Mais bah c'est oui, faux. C'est pour ça, c'est pas du tout les mêmes traditions. Et la marmotte. Et la marmotte, elle met dans le papier d'alu. Bien sûr. Moi, je l'ai visité l'usine Milka, la marmotte, elle est comme ça, elle replie le papier d'alu, elle met un petit coup de langue, attends, elle ferme le papier. Et du coup, il te promet le mariage? Ouais, mais pas tout de suite. Ah bah, tu penses? Pas tout de suite, dans 15 jours. Eh, je te laisse, dans 15 jours, on fait mariage. Pour d'accord son anniversaire. Non, alors, bon, non, je veux pas te casser ta joie. Je veux pas te casser ton rêve. Méfie-toi quand même. Mais bon, t'es en train de réunir tous les trucs, soleil, bateau, île, 23 ans, 16 ans, tous les trucs qui font qu'à mon avis. Ah oui, mais non, mais de toute façon, il ira plus dans les contrats de croisière. Enfin, c'est fini. D'accord. Ouais, enfin, bref. Ma pauvre chérie. Écoute, continue ta correspondance avec lui.

people have any time to bow down and pray. Now I need to gather all my strength and struggle again. Il sera là, il va passer mon Kinvé, ça va être une vraie tuerie. Il y aura Alex Ayano qui sera là. Ayano. MHD va venir. C'est le mardi 4 octobre. Merci Julie. Martin Garrix. Et mon pote Pitbull qui va être de retour. Oh, ça déchire. Pitbull, c'est la classe. Là, faut venir concours de costard parce que chaque fois, il est bien fringué. Ouais, c'est tout vrai. Machin. Ouais, grave. Là, je sors le costume là, quand il va être là. Vous avez vu ou pas cette info? Il est, avant qu'on fasse, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? On a un répondeur. Avant les répondeurs, est-ce que vous avez vu cette info comme quoi on peut changer? Alors, les plus jeunes, c'est une info, c'est sorti dans le journal. Ça y est, on peut changer le goût de son. Tu dis ça maintenant, toi? Ah, d'accord. Oh, ça va. Bon, c'est une info. Ça, on peut quand même encore dire le mot semence masculine. Voilà. Oui, vas-y. Jutage. Oh, non, ça on peut pas. Parce que souvent, c'est le truc numéro un qui ressort, hein, c'est que les filles font ah non, c'est pas. Ah, ouais, le goût non, est pas top. Ça j'aime pas parce que c'est pas. Ouais, mais ça il paraît que ça dépend de ce que tu manges. Eh bien justement, ça dépend de ce que tu manges. Vous pouvez l'améliorer, les mecs, prenez des notes. En mangeant des nectarines, ouais. De l'orange, ouais. De l'ananas ou de la mangue, ouais. Qui fera que votre sperme sera plus doux et plus agréable. Ah bah c'est bien ça. C'est bien, non? Ouais. Pareil pour la menthe, le persil et le thé. Ah, il aura un goût spécial ou? Bah non, il a un goût plus doux. Ah, pas mangue. Bientôt, ils vont le dire au ministère. Ils vont le dire. Mangez 5 fruits et légumes, vous aurez un meilleur sperme. C'est sympa. Ils vont le mettre sur les. Si, ils vont le mettre sur les paquets d'oranges. Allez, on va s'écouter quelques messages du répondeur. C'est le répondeur. Oh, arrêtez que le répondeur. C'est pas vrai, il y a des gens de tous horizons qui laissent des messages. Il y a aussi des. Allez, écoute. Salut, moi je m'appelle Emma, j'ai 12 ans, pour moi c'était la rentrée il n'y a pas longtemps. Bon, mon premier effet c'est énergie dès que je rentre des cours, moi j'adore vraiment votre radio. C'est gentil. Bah, je suis fan de Corée, j'aimerais bien qu'il me rappelle quand je reçois mon message. Tu vois? Merci, tu vois, j'aimerais bien qu'aujourd'hui il me rappelle, merci, bisous. Oui, Corée, donc oui. Je voulais juste dire, oui. Donc moi c'est Gérald, et je suis boucher justement, donc je suis d'accord que la viande en boucherie est bien meilleure. Ça fait 26 ans que je fais le boucher, voilà. Donc rappelle-moi vite à ce numéro, oui. En étant très poli. Il faut un téléphone, tu vois, j'ai un Huawei tout pourri. Yeah, Bourgogne, représente. Allô, je suis fan de Koei, j'aimerais bien qu'il écoute un peu ses messages, ou sinon ça sert à rien. Je me marre avec vos conneries. Voilà, attends, vous avez des vannes à zéro, hein, sérieux, hein. Vous faites pas fort, hein. Ah, ça vaut pas deux balles, hein. Mais je m'en fous, je m'éclate. Allô, Koei, j'aimerais bien que. Tu me rappelles. Ça fait si longtemps que j'étais pas dans le répondeur de Koei. Oh, moi, j'aimerais que il me rappelle. J'attends toujours. Une urgence. Ouais, c'est encore moi. Oui. Oh. Ouais, mais j'ai dit, voilà, ça, j'ai dit. Et l'autre fois aussi. Ah, d'accord. Maintenant, ouais, c'est vrai. Oh putain, vous m'avez fait perdre le morceau là. Putain, les gars, vous faites chier. Ah, d'accord. Franchement. Mais je vous adore, je vous aime bien. Allez, doublez-moi le salaire, bordel de merde. J'ai mes dents à refaire. Moi, j'attends toujours le coup de téléphone de Koei dans son répondeur. Il ne doit pas beaucoup écouter son répondeur. Coucou, ouais, je sais pas si j'écoute bien ces messages. Ah, venez, on la en rappelle, espérant qu'il me répond à mes messages. Merci. Si elle m'écoute, j'ai envie de lui dire. Pour toi, te fais des bidous. Vous avez le numéro de cette dame ou pas? Vous l'avez? Oui, on l'a. Ah, on va essayer. Et si on a le temps dans l'émission, on essaie de lui passer un petit coup de fil. On l'appellerait avec. On va l'appeler. J'espère que ça va chez vous à la maison. Elle était notre invitée il y a quelques jours. Elle s'appelle Laura. Pas non, quoi, LP. Oh, LP. Faut pas dire Laura. C'est bon. LP sur Énergie. On est vendredi. C'est la dernière de la semaine. Tout à l'heure, vous découvrirez Evangeline. When you get older, plain or saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, long for the days of no surrender years ago. And will you know? Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smile. Il a gardé les mêmes. Ouais, les mêmes. Oh, mais qu'il est con. Ouais, je sais. Koé, 19h-22h sur Énergie. Quand vous faites une vidéo, pensez à éteindre la caméra. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant, parce qu'il est arrivé un truc à une jeune fille. C'est un truc horrible ce qui est arrivé. On en parlera un petit peu plus tard. Bon, allez, on a même pas les prénoms des gens du public. J'ai envie de faire un petit bisou avant qu'on voit s'ils sont cool ou pas. On se passe un petit coup de fil à des gens qui s'appellent. C'est quoi leur nom? C'est Opti Calin. Oh, jeu de mots. Est-ce qu'ils sont cool, Opti Calin? Oui, mais d'abord, on dit bonjour au premier rang. Comment tu t'appelles? Raphaël. Ça va, Raphaël? Très bien. Tu es en forme? Très bien. Tu viens d'où? Je viens de Valence. Lâche tes couilles. C'est sur la vidéo. Un vieux réflexe. Ouais, je sais, mais moi aussi, ça m'arrive des fois. Mais là, t'es filmé. Je suis en public en plus, c'est sympa. Ouais, tout le monde a vu que tu te tenais les couilles, tu recommences. Voilà, t'as vu, tu recommences encore, hein, c'est marrant. Hein. Vas-y. À côté, le prénom? Clément. Clément, lâche tes couilles de ton copain, s'il te plaît. On y va, le jeune homme à côté. C'est Florian. Skater ouais. Florian, t'as le mec, il est venu avec son skate. Et tout. Ouais, mais beau gosse. Ça, vu. C'est un truc que j'ai toujours rêvé de savoir faire. Tu sais pas faire du skate ? Aucun équilibre. Essaye ? Non, j'ai failli me tuer 10 fois. Ah non, non, je n'y arrive pas. Tu veux essayer quoi ? Oublie, mec, oublie, je sais pas. Mon... Mais ça se trouve, c'est un escroc comme toi quand tu vas au ski, que tu te promènes avec ton snow dans la station. Oui, c'est ça. Il met un peu de neige sur la combi et il se promène bien. Et il se promène avec son snow. Et non, il va au bar et le soir, hop, il reprend son snow sous le bras et il rentre chez lui. Tu es obligé de dire tous mes secrets ? Je suis un escroc du snow. Et alors, ça arrive. Mademoiselle à côté. L'INSEE. Ça va l'INSEE ? Tout se passe bien ? Très bien. Ouais, super. À côté, mademoiselle, vous êtes ? Laura. Ça va Laura ? Oui. Tout roule, tu viens d'où Laura ? Poitiers. Poitiers ? À Poitiers ? Qu'est-ce que tu fous là ? Là, j'ai été voir Justin. Ah, ben t'as raison, faut prendre un peu de temps, faut visiter Paris et tout. T'as aimé ? T'as kiffé ou pas le concert ? Grave. C'est vrai ? Ouais. Est-ce que c'est vrai que des fois il y a quelques chansons qui étaient un peu en playback ou pas ? Oui, mais parce qu'ils dansaient. Ouais, mais moi ça, moi je défends ça. Ouais. Moi, non, mais c'est ah, vrai. C'est les nouveaux shows. Non, non, moi je défends ça parce que personne ne peut pendant une heure et demie faire une chorégraphie et chanter. Ça n'existe pas. C'est loin. Non, c'est pas possible. Bah, Gaga l'a fait beaucoup. Ouais. Ah, ils ont tous des. Tous. Et je ne vous dirai rien. Mais beaucoup de spectacles musicaux que vous allez voir sur scène. Ah, les comédies musicales ? Ah ouais, sont à 80% en playback. Ah bon? Non. Mais si, parce que ah les mecs, tu peux pas te battre, faire des chorégraphies, faire des machins et d'un seul coup faire. Hey c'est impossible. Les mecs, ils ont besoin de respirer, donc tu peux pas. À côté, mademoiselle, Poitiers aussi. Livia. Un pas de Poitiers. Livia, tu viens d'où, Livia? Toulon. Toulon, ah bah il y a tout le monde. Justin Bieber aussi. T'es bien ? Ouais. T'as kiffé ? Ouais. Il t'a dit je t'aime, Livia ? Non, pas trop. Ah, le salaud, le salaud. Il a pas dit je t'aime, Livia ? Non. Il a pas dit bonsoir, Paris ? Si. Oui. Je t'aime Paris, vive la croissant. Mais en playback. Ferme ta bouche. Il a pas parlé français. Il a pas beaucoup parlé français. Moi, j'y suis. Mais il sait pas du tout parler français. Vous avez vu quand il vient nous voir, il sait pas parler français. Et à côté, mademoiselle. Mélissa. Ça va, Mélissa. Oh, comment elle a pris le micro, Mélissa. Vas-y, lâche-le, Olivia, c'est bon. Moi, c'est Mélissa. C'est ça va, Mélissa. Ouais, ça va. Tu lui as piqué le micro à ta copine, si t'as vu. Oh la vache. Tu viens d'où, toi ? Bah, Poitiers aussi. Poitiers aussi, d'accord. Bah, je vous fais un bisou, les filles. Ouais. Bienvenue chez nous. Allez, on appelle Opticalin. Opticalin. Attention, je vais être odieux avec Opticalin. Est-ce qu'ils sont cool ou pas ? Ouais. On va le savoir. Je passe en mode gros con. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, Opticalin. Oui. Oui, voilà, je vous appelle parce que bon, je veux des lunettes. D'accord. Voilà, quoi. Mais bon, pas des merdes, hein. Vous voyez, des pas les trucs de la sécu que vous refourguez aux gens du haut de gamme, de la nouveauté de la marque, quoi. Vous avez ça ? Vous avez ? Ouais, bien sûr. Vous avez quelle marque ? On a un peu de tout. Ouais, c'est pas une réponse. Vous avez quel genre de quelle marque vraiment ? Avant que je me déplace. Toutes les marques couture, quelle marque vous recherchez ? Bah, je sais pas, dites-moi ce que vous avez. Bah, je vais pas vous faire la liste. Alors, c'est pas moi qui vais la faire. C'est pas moi qui vais la faire, c'est vous qui les vendez. C'est vous qui les avez sous le nez. Bon, bah, c'est pas moi qui. C'est pour ça que je vous demande. Hein ? Vous auriez un poissonnier, je vous dis ce que vous avez comme poisson. Vous n'allez pas me dire, bah, t'as qu'à voir ce que j'ai pêché. Bon, c'est à vous de me dire. Pas mal. Ah, oui. Alors, vous avez quoi comme marque ? Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous recherchez, ça va aller. Dites-moi ce que vous avez, ça va aller plus vite. Non, je crois pas. Ah, bah, enfin. Qu'est-ce qu'il y a là, pareil ? Je suis un client, lambda, homme de la rue, citoyen normal. Ouais. Je vous trouve pas très urbain. Ouais, bah c'est ça. Bah, je veux juste avoir les marques que vous avez, c'est pas. Alors. J'attends, hein. Vous avez police ? Allô ? Vous avez police ou pas ? Police, ouais. C'est de la merde, ça. Vous avez Calvin Klein, vous avez ça ou pas ? Bah oui. Ah, je déteste ça, Calvin Klein. Pourri. Je sais pas pourquoi vous vendez ça. Mais... Truc de tarlou. Je déteste ça. Ray-Ban, vous avez ou pas ? Ray-Ban, ouais, on a un c'est qui à l'appareil ? Je vous ai dit, je suis un client. Je voulais juste avoir une paire de lunettes. Bon, alors, comme j'ai aucune confiance en vous, parce que globalement, les opticiens, c'est tous des escrocs, je voulais juste appeler avant pour savoir ce que vous aviez avant que je me déplace, c'est tout. Dites-moi qui c'est qui a l'appareil. Non, attendez. Juste, je demande ce que vous avez comme lunettes, rien d'exceptionnel. Bah, voilà. Bah, vous allez voir par vous-même. Bah oui, mais avant que je me déplace, je veux savoir ce que vous aviez. Bah écoutez, on a de très belles choses. Vous avez Ray-Ban ? Bah, évidemment, tous les opticiens ont Ray-Ban. C'est pour les beaufs, ça. Oh. Comment vous pouvez vendre ça ? Non, c'est vraiment un truc de beauf, tu mets des Ray-Ban, oh le beauf. Une paire de Ray-Ban achetée, une banane offerte là pour mettre les papiers sur le côté. Là. Oh là là. faites des prix sur les lunettes ou pas? Parce que l'autre con d'Affle Loup, on en achète deux, on en a 12 gratuites, là, je sais pas comment il fait, là, vous faites aussi ça ou pas? On fait tout ce que vous voulez, cher monsieur. Eh ben, c'est très bien, cher monsieur. Et j'espère que vous magouillez un peu avec la mutuelle, parce qu'il faudrait que je prenne des lunettes. Enfin, j'en ai pas vraiment besoin, si vous pouviez me passer. Certainement pas. Pourquoi? Parce que moi, j'en ai marre d'engraisser ces cons de mutuelle, là, vous pouvez faire un truc ou pas? Ah non, je fais pas ça, moi. Ça va, arrête, ils le font tous, c'est bon. Ah oui, non, mais pas moi. Hein, genre, je t'achète une paire de lunettes, tu me fais une paire de lunettes de soleil, et puis bim, c'est parti. Ah non, il y a une paire achetée, une paire offerte, comme chez Affle Loup. Bah, elle peut pas faire mieux qu'Affle Loup. Ah, mieux qu'Affle Loup, c'est difficile, hein. Ah, bah non. Sinon, on va donner notre cul après, hein. Ça va finir par... Ah bah moi, une paire de lunettes achetées, une paire de lunettes achetées, un cul offert, ça m'intéresse pas du tout, hein. Ouais, c'est pas le but, monsieur, hein. Je vous trouve un peu léger, là, sur le sujet. Comme un peu léger. Pas moins que vous, hein. Non, je vous trouve, je vous le dis, je vous trouve léger. Ah, vous avez des bosses en lunettes? Des bosses? Ouais, on a. La merde, ça. Vraiment, ça, alors ça, faut pas, hein. C'est... Eh ben, en tout cas, c'est... Bon... Oh, attendez, autant pour moi, j'ai une ordonnance, mais c'est pour le dentiste. En fait, j'ai pas besoin de lunettes, là. Je fais une connerie, je sais pas ce qui m'a pris comme... Désolé. Mais je vous en prie. Vous faites pas les dents? Bah, venez, on va voir. Si vous voulez que je vous en arrache une, je vous rendrai bien service, avec plaisir. Il est sympa, quand même. Il est sympa, hein. Ouais, il a grillé, il a grillé. Applaudissez au petit câlin, parce que petit câlin. Yes. Yes. Il est bien. Allô, moi c'est Koé, on est sur Énergie, ça va? Ah, ça va, merci. Ça va, il est sympa. Il est bien. Il a tout jusqu'au bout, hein. Ouais, il lâche pas. Hein. Bon, ça va, ça se passe bien? Ça va, très bien. Vous êtes où exactement? Quelle ville? On est à Clichy. À Clichy, bon, bah c'est cool. Et votre prénom c'est? C'est Sydney. Sydney, bon, bah Sydney. Ouh, il y a du bruit chez vous, Sydney. Ouais. Vous avez construit sur le bord de la route? Non, c'est très très près de la route, là. Hein. On est quasiment sur le boulevard. Ouais, vous êtes sur la route. Les mecs, ils tendent le bras, ils prennent une paire de lunettes. À bientôt, Sydney. Bon courage. Merci. Chine est cool. Oh, petit câlin. Reste avec nous dans un instant. On aura Virginie qui a 25 ans. Ça va, Virginie? Ça va, et vous? Oui, ma chérie, tu bouges pas. On s'occupe de toi dans un instant, ma petite Virginie. Juste après Boosty. Il est bon, ce morceau, hein. Moi, j'aime bien le titre de Boosty. Faut qu'il vienne nous. C'est vrai. Ouais, qu'il vienne nous. Alors, avant les vacances. Ah bah, avec l'ancien. Oui. On va venir avec le nouveau. C'est vrai. C'est ça le but du jeu. Oui. Je m'appelle Koé. Allez, battez nos vidéos et allez nous suivre. Koé officiel partout. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Il nous faudra vite se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière, car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Sommeil, veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des cartes que je capte pas. Les gens pas aptes à s'adapter, tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind.

Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all-inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger. À vous d'imaginer votre box all-inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 euros. Une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016. Règlement sur le site. All-inclusive égale tout compris. Je vous en prie, entrez. Comme je vous l'avais dit, c'est fonctionnel et très agréable à vivre. Ah oui, effectivement. Et c'est charmant. Tout à fait mon style. En plus, c'est idéal pour faire vos courses en centre-ville. Et le loyer, il est charmant aussi. 99 euros par mois. Oh, alors là, je m'y vois déjà. En septembre, pendant les journées technologie Nissan, la citadine Nissan Micra est à partir de 99 euros par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra Visia, un litre de 80 chevaux, location longue durée, 48 loyers, si accordiaque jusqu'au 30 septembre. Détails sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Et voilà, c'est terminé au stade 42. L'équipe de la fibre a largement dominé les débats. Quelle vitesse! Bravo la fibre Free! Avec la fibre Free, passez à la vitesse supérieure. Débit descendant max théorique jusqu'à 1 gigabit par seconde et débit montant jusqu'à 200 mégabits par seconde. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Plus d'infos sur free.fr ou au 1044. Merci de nous avoir choisis, j'espère que tout va bien et que vous êtes en pleine forme. Cette émission se passe tous les soirs ici, venez nous voir et venez assister à ce qui se passe dans le studio aussi. Les coulisses. Ah bah oui, puisque j'ai plus le droit de dire le mot masturbation. Julie dit que la direction d'énergie gueule quand je dis le mot masturbation parce qu'ils se prennent des réflexions ça, du CSA. Masturbation, oh, mot français dans le dictionnaire, c'est appris vrai, à l'école, en cours de biologie, masturbation. C'est voilà, il y a des mots, c'est des mots comme ça qu'on apprend. J'avais une news sur la masturbation, toi, hein. Mais je n'ai pas le droit de vous la donner puisque visiblement la censure s'empare de l'émission. Si, mais tu peux la faire un peu plus tard. Non, c'est pas grave, je la ferai pas du tout, c'est pas grave. Ils écouteront une autre radio, ils la trouveront ailleurs, c'est tout. Voilà. Il y aura Ken Jones qui viendra nous voir dans quelques jours, hein, mais vous me saoulez avec vos motions de censure là, ça va. Masturbation. Eh, je suis de ton côté, je te signale. Je vais appeler la direction d'énergie. Ah, me casser les couilles. Voilà, je vais demander si je peux dire le mot masturbation. Alors, ils vont dire oui, évidemment. Mais non, bah, je vais demander, on va appeler Gaëlle. Voilà, on va demander, puisque maintenant il faut demander au mot près. Voilà, Gaël, hein, je veux dire, boum, c'est parti. Alors on va demander, on va quand même demander si j'ai le droit de dire le mot ou de ne pas dire le mot. Tu peux le dire, mais. Non, il y a deux minutes, tu m'as fait une scène en antenne en disant non, il faut. Non, attends, bouge pas. C'était honteux. Je vais demander. Voilà. Je vais laisser un message quand même pour. Si tu ne décroches pas. Voilà. Allô ? Bonjour, oui. Vous êtes sur la messagerie orange de... Gaël ! Veuillez laisser votre message après le bip. Ça marche. Oui, bonjour Gaël, c'est Coco. Dis-moi, on est en pleine émission, là je suis avec Julie, et il y avait une info sur la masturbation. Et Julie me dit, à masturbation, on ne peut pas dire ça maintenant sur énergie à cause du CSA. J'ai dit que c'était donc Gaël, je voulais demander autorisation pour dire le mot masturbation. Alors, je ne sais pas si j'ai le mot autorisation, envoie-moi un SMS pour me dire tu peux, c'est une info très sympa, rien de trash, très non. CSA, quoi, normal, tu vois, respect. Voilà, à bientôt, je t'embrasse. Ouais, hop, c'est fait, comme ça on aura. Dès que j'ai l'autorisation, je vous en parle. Virginie, ça va ma chérie? Ça va et vous? Oui, ça va bien. 25 ans, t'habites où? J'habite à Chambéry. À Chambéry! Très bien, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je me masturbe. Ah non! Non, j'ai pas osé. j'habite là-bas, c'est que je passe. Alors, tu nous as envoyé un mail. Virginie, j'ai 25 ans, je te mets un petit mot car j'ai un truc qui m'est arrivé il y a peu. J'ai eu une relation avec un mec qui travaille dans un service après-vente, ne sachant pas que monsieur était marié avec des enfants. Depuis, je suis super mal à l'aise. Alors, ce truc-là, il est arrivé à une copine à moi. Ah bon ? Mais un truc sordide de chez sordide. Pourquoi ? Elle rencontre un mec à Paris. Le mec lui dit qu'il voyage beaucoup parce que machin et qu'il a perdu sa femme et qu'il a deux enfants. Ah, oh, c'est triste. Oh. Et donc, la nana, il tombe amoureux, blabla. Il était là une semaine sur deux. Donc, machin, elle a acheté des cadeaux pour les enfants. Tu vois, en disant, tiens, t'offriras ça aux enfants, des fringues, des petits blousons. Et elle a appris que. En fait, il n'avait pas perdu sa femme. Il n'a pas du tout perdu sa femme. Et qu'il était une semaine de travail c'est à Paris horrible. Et qu'il rentrait dans le sud de la France voir madame qui était en pleine forme hein, avec les enfants et tout, machin. Et. Oh. Et le gars, il a été raconté. Mais ça arrivait mille fois, ça, évidemment. Ça arrivait plus qu'on le croit. C'est chaud à gérer, non ? Je suis le premier à le faire. Arrête, tu dis pas que ta femme est décédée. Mais il t'a dit, genre, j'ai pas de femme. Hop, je suis célibataire. Non, mais en fait, si tu veux, il est venu réparer la machine à laver, d'accord ? Jusque-là, bonjour, voilà. Tu vois, il répare la machine à laver, sauf que quand il la répare, forcément, ça marche pas, donc ça fuit de partout. Et donc je le vois une fois, deux fois, trois fois. Donc, je sais pas ce qui doit se passer, pas d'alliance, rien du tout. Tu vois, je jette quand même un œil, je me renseigne et tout. Et en fait, la quatrième fois, quand il est passé, ben, en fait, il avait son alliance. Il avait oublié de l'enlever. Ah. Mais vous avez fait quoi entre les deux? Bah, ce que tu fais quand t'es avec quelqu'un. Ah, vois, le fantasme de la machine à laver. Non, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu casses ta machine à laver pour faire revenir. Il a pas réparé quatre fois de suite la machine à laver. Non, mais regarde, la première fois, il est venu pour recommander la pièce, d'accord? Ouais. La deuxième fois, il a mis la pièce. En fait, la pièce. Visiblement. Ouais. Donc, quand t'as mis le linge, en fait, le tambour, il est parti. OK? Donc, j'ai eu de la flotte partout. Donc, il est revenu une troisième fois. Non, mais attends. T'es en train de me dire. Ça s'est fait la troisième fois où il est venu. D'accord, OK. Voilà, OK. C'est-à-dire que t'es tombé dans le délire de ça. Et moi, j'ai un copain qui était artisan. Mm-hmm. Il m'a raconté. C'est pas faux, hein, les nanas en nuisette. Hein. C'est pas faux, hein. La nana en nuisette qui attend en mode et le gars il est là, il vient réparer le truc, et le fantasme du réparateur chez les filles, c'est plus fréquent qu'on le pense. Le réparateur soit beau gosse aussi, hein, parce que. Doute bien qu'elle a pas pris. Moi j'ai jamais eu des réparateurs. Et souvent, moi j'ai un pote qui bosse à Lyonnaise des Eaux, c'est pareil, qui va chez les gens, ça lui arrive aussi. Mais il me dit le problème c'est que souvent c'est pas comme les filles qui sont en nuisette, c'est pas comme dans les films. C'est pas les pays de l'Est. C'est pas les pays de l'Est. Ne bouge pas, c'est plutôt Madame Bidochon qui tourne avec la grosse robe de chambre en pilou, tu sais, qui est remontée jusqu'au nez. Je suis toute nue sous mon pyjama. T'auras une gâterie si tu prépares la machine à laver. Je t'attends dans la chambre. Gros cochon. Ça veut dire gros cochon ou pas? Oui. Et gâterie, c'est limite. Hein. Ah, gâterie, ouais, je sais. C'est pas ce qui m'est passé par la tête. Mais c'est médical. Oui. Et pour ça, bienvenue sur Énergie. J'espère que tout va bien. Martin Garrix est notre invité dans quelques jours. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Of love. When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all. Testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, scream in the holy light. Aussi, mais bon, il y a surtout mes jingles. 22h sur Énergie. Avec toute l'équipe qui est là, passez-nous un coup de fil. Il y aura Mika, il y aura Stouff, 0870 42 48. Ça va ma Stouffette? Ça va. Je sais même plus le faire. Ça va? Ça va bien. Mika hier qui s'est mis des élastiques dans les fesses. Ça va? Oui. Tu tiens bon ou pas? T'as pas de trace. Le lendemain, 24 heures après. J'ai une petite trace quand même. Allez, une petite trace, hein, un petit cul rouge. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous. J'espère que ça va. Notre nouveau réalisateur, Gilles, un jour un réa, on en est où? Ça va. Il est bien. Ça va. Il a l'air pas mal, hein? Il est pas mal, public. Vous en pensez quoi? Pas physiquement, calme-toi au premier rang. Enfin, je ne demande pas. Mais dans l'ensemble, il est bien, non? Il se débrouille bien, ça va pour l'instant, pas d'erreur, c'est bien. Pas encore. Bien, c'est bien. Et t'es pas plus beau que nous? C'est ça compte. C'est ça qui est bien. Ça compte. C'est ça qui est bien. Parce que nous, il y aurait un réalisateur plus beau que nous, 2 minutes, il fait. Ah, ça fout la merde. Hein. 2 minutes. C'est comme Julie avec les filles, avec les stagiaires. Ah non, Julie, voilà. Dès qu'il y a une stagiaire plus belle qui franchit la porte, elle dit oh, c'est une pute. C'est une incompétente. C'est une incompétente. Elle veut réussir. Elle veut justement réussir. C'est une talope. N'importe quoi. Et par contre, dès que c'est un bon gros tromblon, elle fait elle est géniale. Ah, c'est sympa. Elle est géniale. Mais Stouff, ça n'a rien à voir. Stouff, c'est notre standardiste. C'est pas une stagiaire. Oui, c'est vrai. Mais voilà, mais les stagiaires, je peux vous dire que si vous êtes jolie un jour, vous voulez bosser avec nous. C'est pas vrai. Hey, dormez pas pendant 5 jours, on est avec des fringues de merde, prenez non, 12 kilos et là vous êtes pris. Loris peut en témoigner, on n'a pas trouvé une jolie stagiaire qui est compétente. Non, tu as tout je tiens à dire. Arrête. Elle leur a donné une autre adresse. Oui, venez, bien sûr, on est rue François 1er. Venez nous voir, oui, demandez monsieur Combal. Voilà. On est là-bas, bien sûr, au revoir madame. Bien sûr, on va attendre. Virginie. T'es toujours là, Virginie, qui s'est tapé le mec du service après-vente au bout de la 3e visite. Pas une coquine, hein, parce qu'une coquine, elle aurait fait la 1re visite. Elle a attendu la 3e visite. Est-ce qu'il t'a fait payer chaque réparation? Mais non, c'est un service après-vente, tu payes pas en plus. Ah oui, c'est garanti. Et alors, tu vois, c'est pour ça, il est passé plusieurs fois. Il a vérifié l'état de la machine. Bah, tu penses bien. Et la machine fonctionnait bien ou pas? Vérifié l'état de la machine. Bonjour madame. Et donc, est-ce qu'il a, il avait un accent du sud ou pas? Non, il était asiatique. Ah, c'est rare ça. Ouais, c'est quoi ce rire? Elle souffle. Elle m'a dit asiatique, il y a un éclat de rire, c'est quoi? On l'a perdu. C'est ça qu'on a du mal à imaginer le. Moi, j'imagine toujours dans les trucs. Un mec un peu bedonnant. Mais moi, dans les films de cul, c'est. On l'a perdu. Bonjour madame, je suis le réparateur de machines à laver. Mais t'entends rarement le. Bonjour madame, quelqu'un là, tu vois, machine à laver, veut me faire réparation. T'es incroyable, t'as la belle ennuidette avec pyjama pilou pilou. Non mais c'est vrai, c'est bizarre. On a perdu ce tout, elle est sous le standard. Et alors, c'est bien un amant asiatique, parce que finalement, on n'en parle jamais. Bah écoute, ça va, c'est bien débrouillé, hein, je pense. Bon, bah c'est le principal, mais il était marié. Donc ça va, hein. Mais il était marié. Voilà. Oui, voilà. Tu vois, avec des enfants en plus. Donc, marié là, avec des enfants, mais c'est dégueulasse. C'est horrible ça. Jean-Luc Lahaye. plaisante. Bon, et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous me conseillez? Bah, kiffe si tu veux kiffer. Si tu veux un truc sérieux, c'est mort. Ouais, bah, c'est voilà. Ça, il quittera pas sa femme. Ça, mais tu vois, si je veux m'amuser. Oh, bah continue, pourquoi tu me poses la question? Bah, fais la conscience, t'as un petit peu de conscience. Bon, tu vois, enfin... tu dois faire ça, toi? Tu dois tromper ta femme, et puis voilà. Non, jamais. Bah, moi, je suis un homme, les hommes, ils trompent jamais leur femme. Mais toi, t'es marié ou t'es célibataire? C'est une légende urbaine, ça. T'es un mec, toi? Moi, non, je suis toute seule. Bah, là, bah, kiffe! Ouais, mais c'est pas cool pour lui. Non, mais qu'est-ce qui est pas cool pour lui? Femme. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre? Elle le connaît pas. Fout. Bah ouais, mais t'es un peu mal à l'aise. Tu mal à l'aise. Une famille. Non? Quoi? Ouais, un petit peu. Hein. Quoi? Ouais, quand même une maîtresse, quoi. Tu crois à chaque mot que tu viens de dire? Ah oui, je crois à chaque mot que je viens de dire. Mais Julie, enfin, il y a plein de gens qui couchent avec quelqu'un, ils s'en foutent de l'autre personne. Ouais. Et qu'ils la connaissent même pas, l'autre personne, elle la connaît pas. C'est oui, pire. Je suis d'accord. Mais quand c'est genre, la femme de ton copain, ah, tu vas pas le faire parce que c'est ton copain, tu le connais, tu vas pas faire et de peine. Et encore, ça dépend. Non, mais en fait, c'est ce qui est perturbant, c'est qu'après, je suis allée faire des recherches sur les réseaux sociaux. Ah, ça c'est horrible. Et en fait, ça. Maintenant, j'ai la tête de la nana. Et alors, elle est comment? Et elle est mieux que toi? Non, elle est jolie, hein. Non, elle est jolie. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah bah, t'as besoin d'une stagiaire? Eh, ma chérie. Ma chérie, tu t'en fous. Toi aussi, t'es jolie d'ailleurs. Je montre la photo de la demoiselle. Voilà. Mais montre pas ma photo, t'en as pas. Ah si? Ah si, j'ai une photo. De où? De toi, la tête dans la machine à laver avec un asiatique derrière. C'est toi la. Oui, c'est elle. Ouais. C'est toi la blonde. Mickaël a pris sur son profil Facebook. C'est toi la blonde. Ah, t'es jolie. Ouais, ça va. Hein. T'es jolie. Bon, quand tu veux, on vient de te réparer la machine à laver. C'est toi, Mickaël, qui t'envoie des messages? C'est l'inverse. Hein? Ah. Qui c'est qui envoie des messages à qui? C'est toi qui l'envoie. Toi, tu lui envoies des messages? Non, elle. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. T'envoies des messages à Mika? Non. Ah, Mika service après-vente. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, il répond aussi, hein, alors... Ah, il cherche, Mika. C'est normal de répondre. Tu m'écris. Ouais. Je peux oser t'écrire, hein. Arrête. Il se passe des trucs très chauds. Il se passe des trucs très très chauds. Je te fais un gros bisou, ma Virginie. Je t'embrasse fort. Moi aussi, je vous fais des bisous. Bisous, ma belle. Dans un instant, il y aura question pour Ayeuve. Vous savez, on appelle des personnes âgées, on leur pose des questions de jeunes. Il y aura du super jeu. Il y aura Evangeline tout à l'heure. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, prennent le temps, ne font que courir. Merci. C'est dur, je confesse. Enfin, je vais m'en sortir, je l'atteste. Un jour avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe. Mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie, abandonner. Si je m'en que je m'en sorte, prie pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte. S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. Allez-y, c'est pour nourrir le chien. Merci beaucoup. Je ne veux pas vous spoiler, mais la 7e saison de Koh-Lanta est sur Énergie. Je la connais déjà, moi. Julie va crier. Koh-Lanta sera de mauvaise foi. Julie va crier. Pietre et Guéguette feront les gamins. Julie va crier. Loris va finir chez les flics. Et Julie va crier. Koh-Lanta. 22h sur... Il est là. Bonjour madame. Je viens d'avoir un SMS de Gaël, directeur des programmes d'énergie. Ah, alors. Sur la question du mot masturbation. Ah. Vous vous souvenez du coup de fil que j'ai passé en demandant quand même à la direction d'énergie. Gaël me répond, tu peux. La règle c'est, deux points, pas de description détaillée d'actes sexuels avant 22h30. Julie, est-ce que le mot masturbation est une description détaillée d'un acte sexuel? Non, mais je te connais. Quand tu dis le mot masturbation, tu vas souvent plus loin derrière. Et donc, tu détailles. Jamais. Non. Jamais de la vie. Ah non. Et toujours dans le juste milieu. Non, mais je te connais. Non. Bah si. Bah non. Alors quelle était cette info? Mais du coup, tu peux donner l'info. Ah, elle est croustillante. Ah. Allez, c'est l'info la plus chaude de ta région. C'est une gameuse, Nana, qui s'appelle, elle s'appelle Nova Potra. Moi, je connaissais pas les gameuses. Nova Potra. Doit pas être française. Hein. Non. Elle est gameuse et elle fait une sorte de chat. Elle fait un live comme on a fait nous chez moi à la maison. Ouais. Elle parle à ses fans et tout machin. Et à un moment donné, elle dit ciao le bientôt. Je sais pas de quelle nationalité elle est. Fais salut, on se retrouve bientôt. Sauf que elle coupe pas la vidéo du chat. Aïe. Et là, qu'est-ce qu'elle fait avec son ordi? Elle met un site de cul. Et elle commence à se masturber. Oh, le mot, il l'a dit. Sans entrer dans aucune description de l'acte sexuel. Elle s'est masturbée en laissant, non seulement elle a laissé la cam tourner, mais les mecs pouvaient voir ce qu'elle faisait, mais en plus les films qu'elle regardait sur le site porno. Là, mais genre, elle a pas fait exprès, franchement. C'est fait exprès. Mais oui, c'est obligé non, pour je pense buzzer. Pas. Pour buzzer, bah oui. Bah arrête. Franchement, quand tu vois ce qu'elle fait là, tu fais pas ça. Ouais, c'est comme si, ouais. C'est comme si t'avais Squeezie qui sort sa bite, il la tape contre la table, et à un moment, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Ça n'a aucun intérêt. Donc oui, qu'est-ce qu'il y a? Attention à un micro, une intervention. Allume. Ouais, c'est bon, c'est allumé. C'est bon. Parce que du coup, en fait, en soi, j'ai aussi vu cette vidéo-là et Like par hasard, bien sûr. Par hasard. Bah oui, il tapait, bien sûr, il tapait skateboard, il est tombé là-dessus. Ça, moi aussi, mais des fois. Du coup, la personne en question n'est pas une gameuse en soi et n'avait, c'était pas sur le site de, je peux dire le nom? Non, non. Bah, sur le site de diffusion de jeux vidéo en ligne, c'était sur Twitch. Un... Là. Voilà, c'est ça. Ouais. C'était pas sur Twitch, c'était sur un site de... Ah, donc c'est une fausse gameuse. C'est une fausse gameuse. Ah, tu vois, c'est une affiche d'internet. Ça a quand même fait le buzz. Ah, d'accord. Moi, je croyais que la nana, elle était là, elle avait oublié d'appuyer sur CTRL. C'est quoi, là? CTRL-ALT. Non, pas SUP, Sopalin. C'est quand tu vas te mater un porno, c'est CTRL-ALT, Sopalin. C'est presque pareil et tout. Ah, vous avez vu, je n'ai pas fait de description détaillée de l'acte sexuel. C'est pour le CSA. Question pour Yev. Oui. On est parti, on appelle Bernadette. Bernadette, ce soir, sera opposée à Jean-Noël. Nous allons appeler deux personnes âgées au hasard en France. On a dit juste qu'on les appelait pour participer à un jeu. Ils n'en savent pas plus. Je regarde s'il y a des descriptions de l'acte sexuel dans mes questions. Allô, Bernadette? Bernadette? Oh là là. Bernadette? Ça va être très très dur. Bernadette? Ouais. Rappelez Bernadette. Pendant ce temps-là, on va appeler Jean-Noël. Oui, mais si Jean-Noël il joue tout seul, ça va être con. Bah oui. On va appeler Jean-Noël en attendant, qui habite Saint-Jean-d'Aubrignoux. Saint-Jean-d'Aubrioux. C'est joli comme nom, non? Saint-Jean-d'Aubrioux. Tu crois que c'est dit avec l'accent comme ça? Je sais pas. D'Aubrioux. On fait Jean-Noël et Bernadette en même temps. Oh, si personne décroche, on va être tranquille. On va être bien. Jean-Noël! Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Coé, nous sommes sur Énergie. Comment allez-vous, Jean-Noël? Jean-Noël va bien. Et Coé va bien? Mais il va bien. Ça va, tout se passe bien, Saint-Jean-d'Aubrioux. À Saint-Jean-de-Brigaud, tout se passe bien, il fait beau. Ah, bah là, il faut en profiter. Ce matin, il y avait moins d'eux. Hein. C'est il y avait 2 degrés, quoi. Ah, ouais. Ah oui, mais c'est où, Saint-Jean-de-Brigaud, pour qu'il fasse 2 degrés? Saint-Jean-de-Brigaud, c'est dans la Haute-Loire, à côté de Craponne-sur-Ardon. Ah, bah si c'est à côté de Craponne-sur-Ardon, alors là, ça, je vais le noter parce que. Il y a Bieber en concert devant là-bas. Oui. Séance dédicace à Craponne-sur-Ardon, je sais. Craponne-sur-Ardon, c'est l'endroit où ils font le country toutes les années. D'accord. Donc, Saint-Jean-de-Brigaud, c'est à côté de Craponne-sur-Ardon. Et Craponne-sur-Ardon, c'est à côté de quoi? Bah, Craponne-sur-Ardon, c'est à côté de Bellevue-la-Montagne. Bellevue-la-Montagne. Ah, pas Bellevue-la-Montagne, La Chaise-Dieu. C'est magnifique. Ouais, pour y aller, il faut prendre l'autoroute de direction du Puy. Ah, du Puy. Voilà. Et ben c'est génial. Saint-Étienne, Puy-Arménée. D'accord. Donc Saint-Jean-d'Aubrigoux, à côté de Craponne-sur-Ardon, pas loin de Bellevue-la-Montagne, à côté de La Chaise-Dieu, direction l'autoroute du Puy. Direction l'autoroute du Puy. C'est ça. Bah, je sais où c'est maintenant. On va appeler Cunégonde puisque vous ne jouez pas tout seul. Non, l'autre on l'a perdu. Ah d'accord. On va jouer contre Cunégonde. C'est un beau prénom médiéval, ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Putain, oui. Elle a peut-être connu Richard Cœur de Lion. Cunégonde. Oui. Bonjour, comment allez-vous? C'est Monsieur Coé. Elle a connu Richard Cœur de Lion. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Vous-même. Magnifique, je vous présente Jean-Noël. D'accord. Bonjour, Cunégonde. Bonjour. Jean-Noël. C'est Jean-Noël au téléphone. Oui, qui habite. Vous êtes en forme? On va former des couples. Hein. Jean-Noël. Oui, bien sûr. Jean-Noël qui habite Saint-Jean-d'Aubrigoux, à côté de Craponne-sur-Ardon, près de Bellevue-la-Montagne, à côté de La Chaise-Dieu, sur l'autoroute direction du Puy. Vous connaissez? Vous connaissez?

gens comme moi. Voyager. Kim Kardashian, je sais pas si vous avez vu la nouvelle photo de Kim Kardashian qu'elle a postée sur les réseaux sociaux où elle est à moitié nue dans sa salle de bain, elle se cache les seins et elle a des abdos de malade et tout le monde a réagi en disant waouh, bravo Kim, you were great, you're fantastic, elle est tranquille quand même là. Et bah, sauf que c'est du fake, c'est que du maquillage des abdos. Ça se voit. Ça se voit, comment tu vois. Les deux traits, regarde, ça fait deux traits plus foncés. Bah, tu peux avoir des abdos comme ça hein, si tu les travailles de cette façon-là. C'est le contouring, tu sais, c'est ce qu'on avait fait nous la dernière fois. En fait, c'est quand même une grosse arnaque cette meuf quand même. Tiens, mais tu vois, une fois que t'as enlevé les fossiles, le fond de teint, le rouge à lèvres, les abdos dessinés, le soutien à gorge push-up, la gaine qui tient le ventre et le cul qui remonte, la culotte qui remonte les fesses, qu'est-ce qu'il te reste, Julie? En fait, Kim Kardashian, c'est Julie. Ça pourrait être. Alors, qu'une bonne chatte comme ma fille Turner qui arrive à la télé. Et tout le monde voit le truc, ça c'est pas pareil. Voilà, on a le droit, ça ne décrit pas l'acte sexuel. Non. J'ai le droit de dire ça. Oui, j'ai le droit, oui, Gaëlle, il m'a donné l'autorisation. Qu'est-ce que je fais, Julie? Qu'est-ce que je fais? On aura le super jeu dans un instant. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah, on va lancer Sound of Legend. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'on fera? Et après, on aura le défi Astérix. On aura un auditeur. Allez, déjà en ligne. Et Evangeline surtout. Elle est là. Et on aura Evangeline qui sera notre invitée. Et la demoiselle qui va parler dans un instant, c'est elle qui est là, Mathilde. C'est ça? Bon, Mathilde. Mathilde, allô, t'as un bon 12 minutes devant toi. Alors, tu peux te faire les ongles, tu as le temps d'aller faire un petit pipi, tu poses le téléphone, mais ne bouge pas, ce sera à toi dans un instant, d'accord? D'accord. Allez, bouge pas ma chérie. Là, le temps. Là, on a du super jeu, on a du jeu, le temps. Elle a un peu de temps. Me demande même si on va pas te faire lundi, Mathilde. On va te laisser tout le week-end à attendre. J'adore ce truc. Serait-ce I'm Blue? Sound of Legend. Ah, j'aime bien ce morceau.

Ouais. Il est quoi? Attends, ouais, c'est bon, prendre... ouais, c'est ça, c'est bon, il est gentil, ouais, il est gentil. Ouais. C'est Sébastien, vas-y, là-bas. Vas-y, va te reculer, toi, je te parle pas, dégage. Je peux pas, là. Je suis en train de te parler, je peux pas tout faire en même temps. Non, mais tu me parles pas. Ouais. Tu me parles pas, je te connais pas, tu me parles pas, tu dégages. Allez, dégage. Moi, je m'appelle Sébastien. Ouais, c'est bien, c'est content pour toi, dégage. Sébastien Coé. Quoi, Sébastien Coé? Vas-y, mais prends-moi pour un con, en plus. Ben vas-y, si. Prends-moi pour un gros con. Si, et on est en direct sur Énergie. Qu'est-ce qu'il dit? Quoi, c'est quoi? Il dit qu'on est en public et que c'est une blague. Ah, il est très bien. Ah, c'est drôle. Christophe, bravo, bravo, bravo. Sandrine, je vais te niquer. Ah bah tu vois, tu veux son cul. Tu vois? Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Where I find, I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Une dédicace à la Belgique, on est numéro 1 tous les soirs en Belgique. Oui. À Bruxelles, il y a des bites géantes qui sont apparues, vous avez vu ou pas? Oui, c'est incroyable. Des mecs qui font des graffitis, ils ont dessiné des bites dans la nuit. Hein. Mais apparemment, je crois, je connais l'endroit et c'était, il y en avait une autre avant, une autre peinture et c'était un autre truc de cul déjà à cet endroit-là. C'était à l'hôtel, c'est en face de l'hôtel. C'est un gros zizi. Ouais. Normal, l'automne, période des glands, c'est normal. Ah. Normal. Et il n'y a pas de description de l'acte sexuel. Une seule radio joue tous les hits. C'est Énergie. Énergie. It's music only.

tous les dimanches chez le grand-père ou chez machin. C'est une catastrophe. Moi, j'ai des potes, ils vont tous les week-ends manger chez les grands-parents ou les parents, tous les week-ends. Et ils emmènent leurs copines et leurs femmes et leurs femmes bien rien. Sûr, leurs femmes et leurs enfants. Tous les week-ends, ils sont chez les parents, moi, je le les dis, beaux-parents. Jamais. Ah, mais plus, jamais. Je trouve que nos week-ends et notre vie, elle est trop importante pour se faire pourrir par la vie des autres. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné. C'est un peu dur là quand même. Non, c'est je suis pas dur. Mais pas tu, tous les tu viens de le dire. Oui. C'est sympa de passer des moments en famille, mais pas tous les dimanches. Oui. Et à un moment donné, le but du jeu, c'est de kiffer sa vie. Et il y en a ras le cul de passer des dimanches au service de la famille parce que t'as fini, il est 17h, tu rentres chez toi, il est 19h, t'as rien fait. Ouais. T'as bouffé, t'as bu et t'as rien fait. Alors, moi, ça me saoule. Ah mais il y a des gens pour qui la famille c'est hyper important. La famille, pas la farmée. La farmée, la farmée ça n'existe pas. C'est hyper important et du coup ils veulent en profiter un maximum. Mais c'est pas bien de faire tous les week-ends à chaque fois un truc systématique, c'est atroce. De programmer, tu veux dire ? Ouais, faut pas programmer. Non mais surtout tous les dimanches. Ah, mais oui. Moi, Mathilde, je suis d'accord avec toi. Et puis la grand-mère, mon Dieu. La grand-mère. Il y a que la grand-mère. Comment ? Il y a que la grand-mère à chaque fois ? Ou il y a d'autres personnages ? Ah ouais, c'est l'angoisse là. Avec l'horloge derrière, tu sais qui fait. Attends, tu sais, elle te ressort les petits biscuits secs. Que tant que tu les du perroir, tant que tu les as pas finis, elle te les donne. Moi, j'avais une marraine, elle était à Royan, je vous jure que c'est vrai. Ouais. J'allais la voir, genre au mois de juillet. Je revenais à Noël, elle sortait les gâteaux apéritifs, les mêmes, parce que personne venait. Ah non. Donc elle ressortait, je disais, mais enfin, c'est pas les mêmes que. Que à Pâques ? Bah, si, enfin, ça se garde quand même, c'est des gâteaux secs. Ah bah, pour être secs, ils sont secs, hein, ça. Ils sont. Mais attends, elle est peut-être jeune ta grand-mère aussi, non ? Elle est peut-être cool ? Sa grand-mère ? Non. Elle est vieille. Elle a quel âge ? Elle est vieille. Même, c'est les décors de salon des grands-parents. Elle va sur ses 84 ans. Ah oui, effectivement. Ouais. C'est jamais design hein, chez ta grand-mère, quoi. T'as remarqué comme les personnes âgées ont très peu de goût. C'est vrai, comment ça se fait ? Pour s'habiller. C'est... Ouais, non, on est d'accord. Ouais, c'est le pantalon qui remonte. La grand-mère va pas mettre des Jordan non plus. Mais t'as l'impression qu'il y a une génération de gens, ils mettent des fringues, mais c'est un truc. Tu demandes même où ils les achètent. Mais pourquoi quand tu Des fois, tu vois les vieux dans la rue, ils ont des blousons. Tu sais, vous avez déjà vu les blousons clairs là ? Très clair, très des petits blousons de vieux. Ces blousons que tu vois que sur papy, ils sont bleus, un peu comme la couleur du truc de Julie, mais vraiment le petit blouson moche. Ouais. Et tu te dis, mais où ça s'achète ? Il y a Violande, il y a un magasin où t'achètes des vêtements. Mais c'est vrai, mais même pour les vieilles, hein. Mais elles des... ont toutes les mêmes robes ou les petits chemisiers avec les petits gilets. Et ben vous savez pourquoi ? J'ai compris il y a pas longtemps. Ah bah alors. Parce que je me posais la question. C'était la mode à leur époque. Non, c'est parce qu'ils n'achètent plus de vêtements. Et c'est parce que comme ils considèrent qu'ils sortent moins, ils gardent les mêmes fringues qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 15 ans. Et tant que le blouson, machin, le truc n'est pas usé, ils remettent. Mais pourtant, quand tu regardes les photos, quand ils étaient jeunes, ils sont stylés. Ouais, parce que ça revient aujourd'hui, la mode de. Ça veut dire qu'on sera pareil. Ça veut dire qu'avec Piet, on sera avec des petits blousons de pépilles. Des petits blousons de pépilles. On a acheté là, ceux qui sont bien là, mais qu'on gardera. Et on n'aura pas de goût. Est-ce que tu crois qu'on aura. Est-ce que tu crois qu'on aura, on achètera quand on sera vu une horloge qui fait. Truc là, que tu dors pas là. Coucou! Et tu viendras chez moi, puis elle te dirait: oh bah tiens, attends, j'ai des petits biscuits secs! On sera en Thaïlande! Ouais, on sera en Thaïlande, bien sûr! Ils sont partis dans l'arbre. Ma petite Mathilde, bouge pas, on vient dans un instant, ma chérie, d'accord? Ne bouge pas, Mathilde, ne bouge pas, à tout de suite, juste après Nicki Minaj. Jam! Chaque fois, je pense que c'est Nicki Minaj. Et moi aussi, pareil. Nicki Jam. Ouais. Voilà, c'est la moitié, c'est une fesse de Nicki Minaj. C'est ça! C'est pour vous dire, c'est pas pareil. Como tu te llamas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. Ni por tu idioma ni el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami vamos a darle. Rumbiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Kenji qui va passer nous dire un petit bonjour. Kent Jones, tout ça. Aucune autre radio ne vous offre autant de stars dans une émission en live. Et non seulement vous les pouvez les écouter de chez vous, vous pourrez leur parler dans l'émission. Oui. Vous pourrez les avoir sur Snap, on fera des snaps et tout en live. Et vous pourrez être dans le studio avec nous pour les voir. C'est bon et ça pour non certains sur YouTube. Ouais, on va. C'est pas pour certains, c'est tous. Pas tous. Ah, on fera des lives, on fera des lives YouTube. Live YouTube ouais. Ouais. Avec Kev Adams et Gad Elmaleh, on va faire un live YouTube. Comme ouais. Ça, vous allez kiffer. Mais on fait un bisou à Kev hein, qu'on a eu dérangé dans la bagnole la dernière fois. Énorme. C'était bon. Revenons avec Mathilde. Mathilde, je rappelle les faits si vous venez d'arriver. Mathilde, tous les dimanches, son mec l'emmène manger chez mamie. Elle en peut plus. Ah ouais. Il faut qu'on lui trouve des trucs pour pas qu'elle y aille. Et si tu dis que t'es malade, bon, ça marchera pas tous les tous dimanches. Tous les dimanches, elle en est à l'hôpital à un moment donné. Elle peut au moins faire deux dimanches par mois où elle se sent pas bien et elle a envie de rester chez elle, etc. Et si au mois de janvier, vous ouvrez toutes les fenêtres chez la mamie et vous laissez ouvert juste pour le dimanche d'après. Et si, quand tu arrives au début du repas, tu pousses tous les chauffages à fond et à un moment donné, tu ouvres la fenêtre d'un coup. Oh, arrêtez. En fait, vous voulez faire que c'est sa grand-mère. Oh non, bah non. Enfin, ça te libère. Bon. Tu lui as déjà dit que ça te saoulait d'y aller? Oui, ça me saoule, mais. Non, mais tu lui as dit? Non. Et pourquoi tu lui en parles pas? Parce que t'es soumise. Ça va le vexer. Bah, non, mais surtout, vous faites quoi avec la grand-mère oui, tous les dimanches? Un Scrabble? Comment? Vous faites quoi avec la grand-mère tous les dimanches? Michel Drucker. Bah, on mange, elle nous raconte sa vie, mais genre. C'est toujours la même en fait. Elle c'est surtout qu'en une semaine chez une personne âgée, ça doit être palpitant. Hein. Ah, ouais. Je pense pas qu'elle ait fait des trucs de fou en 6 jours. Hein. Et une fois que vous avez déjeuné, vous faites quoi? Elle redit ce qu'elle a dit au début du repas parce qu'elle a oublié. Donc, T'as dit quoi? Elle dit quoi? Qu'est-ce que vous faites à la fin du repas? Rien, puisqu'on finit le repas, il doit être vers 17h. Oh là là, 17h. Allez, est-ce que tu manges bien au moins? Qu'est-ce qu'elle fait à manger, mamie? Ça dépend, mais quand elle fait, c'est pour 12, quoi, alors qu'on est 3. Mais qu'est-ce qu'elle fait à manger? Oh, elle est mignonne, hein, Marc. Bah, ça dépend. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi le plat fétiche? C'est son poulet bizarre, là, poulet braisé bizarre. Ah, mais c'est bon, un poulet braisé bizarre, c'est bon. C'est bon. Un bon poulet braisé, là, un poulet naturel sauvage, là, qui a couru avec ses petites pattes, là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. T'es malade, non? Pas, ouais. Alors ça, c'est une petite trique aussi. Va faire des bisous à mamie. Hey, tu sais que dans cet état-là, moi, je serai de toi dimanche, je lui ferai plein de câlins. Tu vois, t'arrives à côté d'elle, tu la serres très, très, très, très fort dans tes bras, elle va kiffer. Allô, tu m'entends? Tu réagis jamais, en fait, elle réagit pas. Elle laisse des longs silences. Non. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Moi, je serais de toi, j'en parlerai à ton mec, ouais, de dire, écoute, tout j'aime beaucoup ta grand-mère, mais une semaine sur deux. Mais alors, qu'il y aille lui. Tu veux qu'on lui dise, nous? Bah, je sais pas. Bah, on va le dire, nous. Bah, enfin, on va appeler, on va dire bonjour, c'est Koé. Écoute, il y a un moment, on va lui dire, pas faut que tous tu les dimanches quoi, chez mamie. Ouais. Tu veux pas qu'on le fasse? Bah, pourquoi pas. Allez. Mathilde, prenez le numéro. Oui. Ne bouge pas, je vais te repasser Stouffle. On va voir. D'accord. Il est dispo, alors, ton mec, dispo. Là il fait quoi? Oui, il est dispo. Bah, voilà, tu vois. Bah, ouais. Il est là, en fait, là. Bah, amène-le nous. Bah, voilà. Oui, c'est bon, bien sûr. Amène-le nous. C'est tout simple. Passe-le nous. Quoi? Allô? Allô? Salut, c'est Koé, ouais. Ça va? Ça va ? En forme ? Ça va. Bon, qu'est-ce que tu fais de beau dimanche ? Qu'est-ce que je fais de beau dimanche ? Oui. Dimanche midi ? Dimanche midi, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que vous avez prévu d'habitude ? Chez la mamie. Bah, je vais chez la grand-mère. Ouais. Bon, alors, justement, c'est pour ça qu'on appelle. Je crois que ta copine n'ose pas te le dire, mais elle en peut plus du repas chez mamie qui dure 3 heures. D'accord. Il va falloir trouver autre chose à faire, mon ami. Ça ne vous empêchera pas d'y aller de temps en temps, mais pas tous les week-ends. Un petit brunch de temps en temps. Tu lui amènes les croissants à ta copine. Tu fais un petit truc avec des œufs brouillés, des machins, un petit truc, vous restez au lit. Tu peux comprendre que ça la saoule d'aller tous les dimanches chez ta grand-mère. Bah, c'est bien pour toi d'aller chez mamie, moi j'aime bien. Oui, j'ai compris que t'aimais bien. T'aimes le poulet surtout. Mais j'ai bien compris que t'aimais bien son poulet bizarre là. Mais il y a un moment, il faudrait peut-être que tu fasses autre chose le dimanche que d'aller chez mamie. Ouais. T'as pas envie de passer une journée au lit avec ta copine ? Il veut profiter de sa grand-mère. Ça se trouve, c'est sa seule famille. Hein, t'as pas envie de passer une journée au lit avec ta copine ? Tranquille, à mater des séries ? Ah ouais, j'avoue, c'est bien. Bah alors. T'appelles mamie, tu dis écoute, dimanche là on peut pas, mais dimanche d'après oui. Comme elle oublie un peu et qu'elle doit perdre la tête comme toutes les mamies, elle pensera. Tu reviendras au bout de 15 jours, tu dis bah on était venu il y a une semaine. Bah oui. Commence par un dimanche tous les 15 jours et puis après tu fais petit à petit un dimanche tous les 3 semaines. Et après c'est un dimanche par an. Ouais, voilà. Puis après c'est l'héritage. Bah, voilà. Mais bon, voilà. Hein ? Non, mais il faut que tu fasses quelque chose. Pas tous les dimanches. Je sais que ça a l'air de te faire plaisir, mais pas tous les dimanches. Oui, c'est clair, oui. Après, oui. Après quoi ? Bon, on ira le samedi. Après, c'est vrai que c'est... Pardon ? Non, mais laisse. Après quoi ? J'ai après, c'est vrai que tous les dimanches, ça peut être un peu casse-couille, mais bon. Bah alors, pourquoi tu y vas ? Parce que c'est sa grand-mère. Et alors ? Bah parce que c'est l'habitude de sa grand-mère. Oui, enfin, c'est l'habitude, t'es jeune, mec, tu vas pas te taper des habitudes comme ça à ton âge. Ouais, mais si elle a plus personne pour s'occuper d'elle. Y a et pas des gens pour s'occuper d'elle ? Y a que toi ? Elle est en forme. Non. Oui, elle est en forme, ouais. Bah alors ? Non, vas-y, moins, et puis comme ça permettra de. Ce sera un poulet braisé de sauver. Voilà. Hein, parce que si vous vous en bouffez tous les dimanches, il ne va plus en rester beaucoup à force. Donc dis-toi que chaque dimanche que tu n'es pas chez mamie, c'est un. Chaque dimanche, pas chez mémé, un poulet de sauver. Et puis elle sera encore plus contente de vous voir moins, tu vois, comme ça quand vous vous retrouvez, au moins c'est fort. Non, ça c'est faux. Et vous profitez. Quoi, elle va râler, la grand-mère. Elle va râler. Mais bien sûr. Mais comme, avec mais comme de toute façon, elle va oublier qu'elle a râlé, c'est pas grave. Elle s'en souviendra pas, ouais. Bah voilà, moi je serai de toi, même j'irai tous les 15 jours. Et comme tu me dis qu'elle a des problèmes de mémoire, tu frappes à la porte, tu dis écoute, c'était mon anniversaire quand même. Oh, je t'ai pas donné quelque chose. Bah non, tu m'as pas donné quelque chose. Tac, elle te donne des sous, tu reviens 15 jours après, tu dis bah mamie, bonjour, c'était mon anniversaire quand même. Oh, je t'ai pas donné quelque chose. Bah non, tu m'as rien donné. Elle te redonne ça ? Elle a un peu de mémoire, apparemment. Bah, tant que tu gagnes. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, ça peut être. Oui, tant que tu gagnes, tu joues, tu continues. Bah oui, c'est mon anniversaire, moi j'ai pas donné quelque chose. Vas-y, ça marche. La pauvre mamie. Pense à ta nana en tout cas. Pour ouais, parce qu'elle, ça va la gonfler. Ouais. Je t'embrasse. Embrasse Mathilde pour nous. Ça marche. À bientôt. Salut les amis. Dimanche midi, vous allez où ? Chez mamie. Non, pas chez mamie. Ah bah voilà. Et pense au coup de l'anniversaire. Pense au coup de l'anniversaire. C'est pas seulement une vanne. Pense au coup de l'anniversaire, ça peut marcher. Voici Maître Gims et Joel sur Energy. Que faire de tout ce qu'ils disent ? Le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux, pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs t'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigade Gas Sabali. Pousse pas de la nasse, puis passe par ici. C'est plus de Nîmes et Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petites grimaces, les puissances. Les arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami. On n'est pas dans la merde. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Mais ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir à croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du il est yo, yo, yo, yo. Les arrières. sa folie. Folie, folie, folie, folie. Toute la nuit j'ai rôdé dans Paris avec Pédic, Dadju et Darcy. Hey. C'est la 7e saison de Koé sur Énergie. Koé, 19h-22h sur Énergie. On est là. C'est presque le week-end. Qui va faire quoi ce week-end avant qu'on offre des passes tout frais payés pour aller faire un tour avec nous au parc Astérix? On passe le micro au deuxième rang. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, jeune homme, mademoiselle, pardon, mademoiselle, vous allez faire quoi? Travailler. Faire quoi? Je suis aide-soignante. C'est bien ça, tout samedi, tout dimanche? Oui. T'es soignant dans un hôpital? Oui. Ah d'accord. À quel rayon, j'allais dire, à quelle spécialité? Gériatrie, gastro. Les vieux? Oui. Ah, les vieux qui ont la chiasse. Ah ouais. Ah, c'est non, cool. Non, c'est pas que la chiasse. Gériatrie, gastro. Parce qu'il y a un trou de balle de vieux, c'est chaud quand même. Hein. Ça va quoi. Ah non, parce que tu ferais, tu genre, t'es en gastro enfant à la limite. Bon, ça va, merde. Ah, tu cumules là quand même. Hein. Ça va, ils sont sympas? Ça va. Ah, moi, on me dit des fois, j'avais une copine qui était aide-soignante, infirmière, elle en pouvait plus parce que des fois elle tombait, elle était, quand elle passait en gériatrie, elle en pouvait plus parce que les petits vieux, elle me dit, c'est genre ni vu ni connu. Dès que tu nettoies cette partie-là, petite érection. Oui, carrément. Pas tous, hein. Ah bon, il y en a, ça marche plus. Il y en a, voilà. C'est plus. Ah ouais. Mais il y en a alors. Mais il y en a. Ouais. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? On dit merci. On pousse l'objet, on fait comment? Prenez vos mains. Comment? Prenez vos mains. Genre, faut le prêter. Ah oui. Ouais. Ah, là, Est-ce que des fois, ils nous demandent. Oh. Ah bon? Oui. Ah, mais c'est non. Sérieux. Mais moi, vous savez quoi? Quand je serai un vieux, je serai pervers comme ça. Je serai pareil. Ah, ouais, chiant, vieux. Moi, je serai chiant. Et puis toujours une petite gaule. Je dirais, bah alors. Voilà. Mais oui. Mais on peut, on est vieux. Quand on est vieux, on nous pardonne tout. Ouais, c'est ça. À côté, vous allez faire quoi? Bon courage pour ce week-end, en tout cas. Vous allez faire quoi ce week-end? On en profitera. Je vais aller admirer ma copine au boulot. Avec les vieux, c'est sympa. Ouais. Samedi, je vais faire les bébés nageurs avec mon petit-fils. Quel âge il a? Il aura 1 an le 31 octobre. Est-ce que vous voulez? Il nage depuis quand? Il aime l'eau, on a une piscine à la maison, donc. Mais c'est... la première fois que vous l'avez mis dedans, c'était à quel âge? Il y a deux mois, trois mois, au début de. Est-ce que vous êtes au courant de ça ou pas, de ce qu'ils ont, ils ont prouvé sur les bébés nageurs? Non. Ah bah ça, il faut que je vous l'explique. Il y a eu la grande mode des bébés nageurs, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Ouais. On a même été jusqu'à accoucher, les mamans, ces fois, accoucher dans la piscine. Ouais. Parce qu'on disait que la piscine, c'était la même température que le corps, et le bébé s'épanouissait dans l'eau. Et donc, on a mis des enfants dans l'eau, et on a dit, regardez, c'est génial, ils ont mis des webcams sous l'eau, et tu vois le bébé qui est là en mode, il est acclimaté à l'eau. Et nous, on allait se baigner derrière. C'est pas ça, c'est pas tellement ça. C'est qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont pensé à faire une expérience, à peser le bébé avant l'eau et après la piscine. 1 kg d'écart, c'est-à-dire qu'en fait, ils boivent l'eau. C'est-à-dire que là, on disait, c'est génial, ils s'étouffent pas, bah si, le gamin, il boit toute l'eau. Il boit toute l'eau et en fait, ils pèsent ils ont pris 1 kg de flotte à la fin de la piscine. Pensez-y ce week-end quand vous verrez. Je ne dirai pas ça à ma belle-fille parce que sinon. Quand vous verrez quand il sera tout bleu. Quand vous verrez le petit, elle dira, il nage bien, elle dira, non, il se noie en fait. Mais on va dire, bah oui, c'est pas se plaindre le gamin. Donc tu le ressors, il a les yeux comme ça, il fait, oh, regarde, il nage bien. Non, le môme, il se noie. Et toi, tu fais, on va y retourner. Il a fait, non, je vais pas là. Il y retourne. Non, mais c'est vrai, c'est pas une vanne. Hein. Je vous jure que c'est vrai. À côté, qu'est-ce que tu vas faire? On va se balader à Paris, puis dimanche, on rentre chez nous. D'accord, très bien. À côté, qu'est-ce que tu vas faire? Pareil, Kev. Je vais me balader. À côté, qu'est-ce que tu vas faire? Je rentre chez moi. D'accord. Je finis mes vacances. Bah, c'est bien. Ah, c'est dur, ça. Hein. T'habites où? À Annecy. C'est joli, Annecy. Ah, ouais, c'est beau, hein. C'est cool. Ah, si. T'as des régions moches. Annecy, c'est joli. Ah, c'est super beau. Ah, c'est beau. Tu savoures plus. Tu savoures non, plus. On a vite fait le tour. Mais oui, bon, enfin, fais le tour du lac déjà à pied. C'est pas mal. À côté, qu'est-ce que tu vas faire? La même chose. Annecy aussi? Ouais. C'est beau, Annecy, non? C'est magnifique. Bah, merci. Enfin, un qui kiffe. Non, si, c'est joli. Qu'est-ce qu'on fait, Julie? Le défi Astérix. Laura contre Thomas. Laura, elle a 22 ans, elle habite Poitiers. Salut Koé, salut toute l'équipe. Je dis ça parce qu'il y en a qui habitent Poitiers dans le studio et ils s'en foutaient quand j'ai dit Poitiers. Je me suis senti dans un moment de solitude complète. Je m'attendais à ce que les gens fassent ouais. Et là, j'ai vécu un moment de... Thomas, il habite Rouen. Personne de Rouen. Oui, salut Coco. Laura, salut, l'équipe. Salut, un des deux va gagner son séjour tout frais payé. Deux jours, l'hôtel et les places, et venir nous voir aussi. Laura, tu viens avec qui si tu gagnes? Avec mon chéri. Évidemment, normal. Thomas, tu viens avec qui? Avec maman. Tu viens avec maman? Oh, c'est mignon. Avec maman, c'est bien. Pour cela, vous allez devoir parier sur la gymnophobie. Puisqu'on joue avec les peurs. La gymnophobie. Ça a un rapport avec la gym? Non, pas du tout. C'est la peur. C'est la peur de la gym. Oh, non, je suis... oh là là, oh là, là c'est... Qu'est-ce qu'ils font? Cheval d'arçon, je vais mon... Non, non, c'est la peur de la nudité, la gymnophobie. Ah. Non. Pourquoi les noms n'ont jamais aucun rapport avec le parce le truc. Que ce serait trop facile. Avant, nudophobie, arachnophobie, c'est la peur des araignées. Voilà. Ça ressemble. La. Non mais toutes celles qu'on a fait cette semaine, c'était n'importe quoi. Comment ça s'appelle quand t'as peur de la foule, la peur des gens, c'est là. Agoraphobie. C'est déjà loin de peur de la foule. Ça c'est normal parce qu'agora c'est la place d'agora en Grèce où il y avait du monde. Donc agoraphobe c'est quand t'as peur du monde. D'où tu sais ça toi? Je suis un petit génie. C'est pas mal, bien placé en tout cas. Il a parlé une fois. Il connaît trois infos dans sa vie, mais il a réussi à en placer une. Et c'est ça. Parce que ça, à chaque fois. Pour dire ça sur Énergie, crois-moi qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions que tu pourras le sortir. Hein. Tu vas venir avec moi sur une autre chaîne. Alors, pour la peine, oui, parce que Julie, elle va chez IFM l'année prochaine. Ah, oui, le lundi matin, vous avez fait quoi, Julie? Ah, je suis allée au parc avec mon fils. Hop, taux d'audience de ouf. Bon, en attendant, pour jouer sur la peur de la nudité, nous allons prendre. Les filles, alors là, je suis le premier à déconner, mais là, respect pour les filles. Hein, ce qui t'arrive. Et puis respect surtout pour les auditeurs. Donc respect. Nous allons prendre Loris contre Gilles, notre nouveau réalisateur. Ah, il dit, oh, t'as vu la chatte d'Afida Turner, tu vas pas nous faire peur pour moins que ça. Hein. Le principe est simple. Quand je dirai top, le premier des deux qui se met en caleçon a gagné. Mais en caleçon, en mode caleçon, pantalon dans les mains. Ouais. À partir du moment où je dis top, hein, c'est-à-dire que toi, pour l'instant, t'es à ta console, tu ne lâches rien. Et toi, tu touches rien. Vous ne touchez rien pour l'instant, je vous laisse juste enlever vos casques. Voilà. C'est fait. Laura, tu penses que ce sera Gilles ou tu penses que ce sera Loris, le puits de science? Je pense que ce sera Loris. Loris. Ah, d'accord. Thomas, donc, obligatoirement, tu penseras que c'est Gilles. J'ai pas le choix. T'as une pression, Gilles, là. Hein. Et il faut le faire là. Hein. Là, au moment où je dis go. Au moment où je dis go. Pantalon, chaussures, ça. Ah, do you speak French? J'ai vite envie de me mettre. Au moment. Eh, enlève ta main. Ouais. Pardon. 3, 2, 1, go, c'est parti. On y va, attention, faut se mettre là-bas. Vite, en marchant. Là-bas. Allez, vas-y. Il est bien parti, Gilles. Gilles. Oh là là, il y en a qui est avantagé par les pompes. Eh, faut enlever le t-shirt aussi. Enlever le t-shirt, hein. Allez, c'est en caleçon. Ah là là, tu vas perdre, Gilles. Gilles, tout ça parce que Loris, il a pas envie de montrer son torse. Non, mais c'est quoi, c'est ce que je suis en train de penser. T'as vu ou pas, c'est Loris. Vas-y. Je peux vous dire un truc les mecs, non. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous êtes tous en train de parler dans un micro. Mais comme le Réa est à 4 mètres de la console, il n'est pas prêt de vous lever le bouton si vous voulez. Donc Gilles, bravo, c'est Gilles, on considère. Viens à côté de moi, Gilles. Fais le tour, viens ici. Non, te rhabille pas. Non, viens ici. Viens ici, je fais un selfie, c'est un souvenir. Viens ici. Il a perdu son téléphone. Qui a dit Gilles? C'est moi, Thomas. C'est Thomas, alors ne bouge pas, je fais une photo souvenir de cette pilosité. Mais t'es un animal, t'es pas un homme. Un italien. Qu'est-ce que c'est que ces poils là? T'es de quelle origine toi? Italienne, gagne-moi ça là. Ouais. Sans déconner, mais regarde, il a plus de poils autour du cou. C'est ouf, regarde. J'ai l'impression de voir le visage de King Kong. C'est un truc. Et regarde le dos. Tourne-toi, montre-moi le dos. Non, le dos, ça va être chaud. Oh là là, mec. Oh là là, viens, attends, je vais faire un selfie souvenir de poils. Si tu restes avec nous, tu vas voir. Écoute-moi bien, mon gars. Ah ouais, tu vas y avoir on est vendredi, je suis en train de. Je le dis officiellement. Ouais. Si tu restes avec nous et que tu dépasses l'opération un jour un réa, c'est-à-dire on va te garder rien que pour ça. Si tu fais l'opération deux jours un réa, il y a de la bandelette qui va t'attendre. Ah ouais. C'est vrai? J'en dis pas plus. Ah, tu vas te faire épeler par une fusée, mec. Ah. On va t'accrocher à une fusée. Je sais pas comment on va faire. On va t'enduire de crème. Je sais pas comment on va faire. On va trouver. On peut essayer toutes les techniques Thomas aussi. Thomas,

Moi, je trouve ça déjà dégueulasse quand je lève mon bras et que j'ai des poils. Je les enlève, moi. Je les rase, je les tonds. Ouais, un petit peu. Non, je laisse pas les poils. Je trouve ça immonde d'avoir une grosse touffe qui dépasse, là, comme ça. Je trouve ça abominable. Ouais, eh ben, les filles, maintenant, elles s'y mettent. Alors, c'est aux États-Unis, hein. Je crois pas que ce soit en France. Si, en France, à Paris, les bobos. Arrête. Bien sûr, les meufs. Mais c'est pas Marion Cotillard qui l'avait fait aussi. Ouais. C'est les femmes de bobos, là, ceux qui ont la longue barbe, là, qui font du vélo. Elles ont les longs poils, elles se prennent les poils dans les roues et tout. C'est bien. Non. Mais comment ça peut exciter un mec, ça? Ah non. Ils ont fait un hashtag, les princesses ont des poils, mais jamais de la vie. Les princesses sont dégueulasses. Mais non. Mais moi, je te lance un hashtag quand t'as des poils, t'es dégueulasse. C'est tout. Les princesses, ça n'a pas de poils. Non. Oh là là. Vous savez quoi, Julie? Stouff. Stouff. T'as une grosse stouff. On va. Hey, il faut relayer cette campagne. Les princesses ont des poils. Non, les gars, arrêtez. Enlève ta veste. T'as des poils? T'es comment? Ah non. Enlève ta veste. Vérifie quand même, check. Non, ça va. Non, t'en as pas. On va t'en rajouter. J'aime pas les poils, moi. Viens, on va t'en rajouter. Non, mais merde. On va t'en rajouter. Mais c'est horrible, ça prend et tout. Par contre, vous m'avez pas mis un truc pour le coller, les gars. Ça aurait été bien de mettre un petit. Viens ici, je vais te les mettre. On va te les mettre de chaque côté. Voilà, viens, soulève les bras. Ah, je suis blonde. Ah, ça va être dégueulasse. Si t'es blonde, ça sera encore plus dégueu. Attends, faut que ça sorte. Voilà, comme ça. Oui, mais t'as mis un t-shirt noir. Pas malin, on le voit pas. Eh oui. Bah oui, c'est nul. Bah oui, mais je pensais, je suis blonde. Ah oui, mais c'est tout nul. Stouff, t'es habillé comment? En noir aussi. J'ai une chemise, je peux pas là. Oh, mais vous faites chier, vous n'êtes pas drôle. J'ai un débardeur noir comme ça. Mais non, attends, il faut les mettre comme ça. Tu sais quoi, je vais te mettre sur les sourcils. Mais non. Mais si, c'est rigolo. Regarde, ça le fait. Non. Emmanuel Chien. Vous avez marré. Une Domenech. Ou Domenech, ouais. Beau choix. Une mèche sourcil. Ouais, mais ça se voit pas. C'est dégueulasse. Mais ça, c'est surtout qu'on peut pas faire de photos. T'es noir sur noir. Mais prenez des cheveux blancs, je suis blonde. Mais t'es con toi aussi. Va bien qu'elle est blonde. Mais t'es sérieux? Tais-toi, laisse-moi te frapper. Attention, j'ai fait de la muscu. Mais tu vois bien qu'elle est blonde, tu me prends des poils noirs. Excusez-moi, mais vous avez déjà vu des gens qui ont des poils blonds? Non, excusez-moi, ça n'existe pas. Il a raison pour le coup. Bien sûr que c'est blond, des poils blonds. Quand j'ai séparé ce truc, une vraie blonde a des poils blonds. J'ai cogité pendant des heures. Et toi, t'es roux? Est-ce que t'as des poils roux? J'ai coupé une perruque. T'as des poils roux? Des reflets. Il est blond vénitien. Vu ta barbe, c'est plus des reflets, mec. Mais si, excuse-moi. Non, c'est plus des reflets. Dans le noir, on va dire que t'as des reflets de blond dans tes poils roux. Si tu veux des... Mais t'as pas de reflets de roux, t'es roux là. Mais en tout cas, les poils sur les bras, je suis désolé, c'est noir. Mais non. Mais non, j'ai une pas blonde. Regarde les poils blonde. Sur mes bras. Une blonde, blonde, t'as pas, de poils sur les bras. Mais pour moi, même les blondes blondes, elles ont des poils bruns. Non, j'avais une petite copine. J'ai jamais vu des filles avec des poils blonds. J'avais une petite copine il y a des années, elle était blonde, elle avait les poils blonds. Elle était blonde. Elle avait les poils du pubis blond. Les Suédoises, elles ont les poils blonds. Sauf que des vraies blondes, il y en a quasiment plus. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais une vraie blonde, il y a beaucoup de filles qui sont châtain clair et qui se teignent en blonde, mais elles sont pas blondes. Affiliateur d'heure, par exemple. Bah, on va demander à Gilles. Gilles qui a travaillé sur le Mad Mag. Je crois que malheureusement, on est un peu à court de temps en plus, donc ça va être un peu chaud. Mais en vrai, je pense que Affiliateur Turner, elle est blonde à la base. Et non, ses poils de bras en tout cas sont bruns. Merci. Donc la personne est. Et la chatte. Et la Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Mais elle est pas blonde. Mais non, Affiliateur Turner, elle peut pas être blonde. Mais elle est pas blonde. Elle est brune. Elle est métisse, elle est brune. Réellement, elle peut pas être blonde. Elle a été blonde en couleur. Oui, mais sans passer chez le coiffeur, elle a pas teint le bas. C'était comment le bas? Je sais pas, on a habité ensemble que 2 ans, donc c'est pas le temps de bien regarder tout. Je suis sûr qu'ils l'ont bien maté sur Énergie 12. Bah oui, tu parles. Faut y aller apparemment. C'est bien ça. Bon, voilà. Merci Julie pour cette photo pourrie, puisque là, elle est habillée en noir et lui a mis des poils noirs. Mais comment je pouvais savoir? Je savais pas, moi. Fallait prendre en préparant cette émission, Julie. Voilà. Je ne savais pas que je fallait m'habiller en blanc aujourd'hui, les gars. Et en travaillant, parce que là, tu laisses un petit stagiaire complètement. Regarde-moi ça, ce garçon physique qu'il a. Il est là, il n'est même pas lui-même des fois ce qu'il fait sur cette terre, et tu lui demandes d'avoir de la jugeote. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Des poils blonds. On a plus le temps, tu vas pas me chercher des poils blonds. Quoi? On la fera lundi. Oh non, allez. On la fait aujourd'hui ou rien. Ouais, moi ça, il va aller tondre une fille au standard, ça va hurler. Encore avoir des plaintes, c'est encore sur moi que ça va tomber. Bienvenue sur Énergie, voici Kid, mais qui sera notre invité dans quelques jours. On n'est pas aidé. On n'est pas aidé. On a des stagiaires moches. Et pas malin. Crois en l'avenir depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance. Si seulement tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts, mais j'ai mes qualités. J'aimerais t'en savoir ce que tu penses. Même si à mes yeux c'est une évidence. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner là-bas. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, baby. T'es là mon sourire. Je ferai en sorte que tes peines soient qu'un souvenir. Après le bonheur tu n'auras plus à courir. Car auprès de toi je le ferai venir. Si toi et moi avons nous, on fera des jaloux. Mais je suis prêt à prendre le risque. Tant notre amour est plus fort que tout, yeah. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Dis-lui, je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, baby. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner là-bas. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première. Sur Énergie. Elle a raison, j'aurais fait la même chose. Moi, j'aurais vu de la lumière, je serais dû m'installer ici. Ça, c'est la chanson préférée de Pietre en ce moment. C'est vrai. J'adore cette son tête de manière. C'est pas Evangeline, pour ceux qui n'ont pas fait attention, c'est Evangeline. Et elle vient d'Australie. You come from Australia? Yes, yes, I do. Welcome in France. Thank you. I feel really welcomed here. Elle se sent très, très accueillie ici, tu vois. De la famille. Do you want the French croissant or? I've already had an interview. C'est fou ce que les étrangers bouffent comme croissant chez nous. C'est vrai. Ils viennent manger le croissant. Parce qu'il y a qu'ici qu'on a des bons en fait. C'est vrai. Bah oui, parce qu'ils sont incroyables. Alors que nous, on n'en mange plus. Ouais. Toi, t'as pas le droit, mais. Tu vois le droit. Qu'elle me raconte un peu. C'est beau l'Australie. Je n'y suis jamais allée. I've never been to Australia. Tell them about Australia. How is it? It's pretty good. Pretty damn good. We've got the city, we've got ocean and countryside. Bon, ils ont un peu tout. Hein. Ils ont la ville, la campagne, la mer. Donc c'est assez cool. Hein. Et tous les mecs font 1m80. Ils sont blonds et ils sont musclés. And all the guys look like surfers and they're 60. C'est pour ça qu'on n'ira pas. Non, totalement vrai. Alors everyone, ça c'est un mythe, tu vois, elle dit. Ah ouais. Everyone comes to Australia and they're like, oh, you know. C'est vrai que tout le monde vient en croyant ça, en fait, non. Trust me, no. Ça ressemble à rien. Some, they don't look like anything, non. Ils ont les pires bestioles aussi là-bas. Ah ouais. They have very weird animals and spiders there too. Pas en centre-ville, si. Ça c'est vrai. Non. In the city, no. Outside. It's more outside. Ouais, plutôt dans la campagne. But we all claim it, so we look strong. And mais ouais. Mais en fait, ils font genre, ça fait cool, tu vois. Et elle habite où? Elle vient d'où? Petite ville, grande ville? Where are you from exactly in Australia? I'm down in Melbourne. Melbourne. Ah oui, grande ville, grande ville. Ça va. Ouais. Grande ville. Et donc, les Français sont mieux physiquement que les Australiens. So you would say French guys are hotter than Australians? Well, dis oui. I can't say that. Ah ouais, elle a pas le droit de dire ça. Si, you can. Tu rigoles, yes, quoi. You can. Ils sont tous surfeurs là-bas. Et on s'en branle, elle vient de dire que c'est une légende. T'écoutes pas ce qu'elle dit. C'est un mythe. Mais non, moi je suis allée en Australie et. Et c'est vrai, quoi, tous les Australiens que j'ai croisés en vacances Australie dans le monde, ils sont tous comme ça. Eh, t'arrêtes d'être un mytho. Non, mais c'est ouf. Oui, moi je suis en Australie. J'ai des potes qui sont là-bas. Really? Yes. Wait, where did you... In Asia. In Asia. Lots of Australians in Asia, and they all look very, very handsome. Bah, et de notre côté, ils y vont pour faire du surf. Donc c'est con. Yeah, yeah, then again, they go there to surf, so oui, c'est un peu con. Bon, cette conversation étant devenue chiante, elle était partie d'un truc bien, puis vous l'avez récupéré, c'est chiant. Eva, je te présente Evangeline. Et vas-y, c'est vrai, c'est bien chiant. Dès qu'on parle, c'est chiant. Écoutez, les Français sont mieux que les Australiens. French are more handsome. C'est vrai, c'est vrai. French lover. Elle dit que tout le monde est beau, et puis voilà, comme ça. French lover. Everyone's beautiful. Tout le monde est beau. Non, les Anglais sont moches. C'est vrai, on est tous d'accord. Ah, c'est vrai ça. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est moche un Anglais. Ils sont moches les Anglais. The British aren't that cute. Même le prince Harry, il était beau étant jeune. Regarde comme il est en train de devenir. Il est moche comme tout. I think everyone's got a really attractive. I feel like everyone, every different country has their own like attractiveness. Chaque pays a son petit truc. En mais l'Anglais, à part le fish and chips, il a rien d'attractif. Besides fish and chips. Really? I mean, no. Est-ce que tu trouves beau le prince Harry aujourd'hui? Do you think Prince Harry is handsome? Maintenant, pas il y a 5 ans, maintenant. These days, currently. Voilà, okay. C'était le plus beau. C'était le mec qui mettait à l'avant de la bagnole comme le truc sur la roche. Les mecs, tu disais ils sont moches. Mais non, regardez, il y a le prince Harry. Maintenant, tu dis ils sont moches. Mais non, regardez. L'autre, il devient beau gosse par contre. Ah bon, il est moche maintenant, le prince Harry? Pas très beau. Il s'empâte un peu là. Ah ouais? Alors que le petit rouquin, le derrière de rouquin, il devient beau. Il prend le pas sur le prince Harry. The little brother is getting better. Look, as I said, everyone's beautiful in their own way. Pour elle, voilà. Mais nous, on aime bien dire du mal des autres. So we like to say bad things about them. Eva, je te présente, vas-y, pose ta question, ma chérie. Coucou, Chloé. Coucou. Alors, j'ai adoré la chanson et le clip, je la trouve magnifique. Et justement, je voulais savoir qui a eu l'idée de tourner le clip et où c'est qu'il a été tourné. She wanted to know where the idea for the video came from and where it was shot. Okay, so shot around Melbourne City. À côté de Melbourne, ça a été tourné. The whole idea for the clip was actually, it's linked to my first song I've ever put out, which is called Chemical. La vidéo est liée à la première chanson qu'elle a sortie, qui s'appelait Chemical. Mm. So it's very much the same person in both clips. And it's kind of the story of what happens. It's the linking on story from the first clip. En fait, c'est un peu la suite de la vidéo de cette première chanson. C'est la même personne dans les deux vidéos. We actually did a few videos for this. I took a few shots and then we kind of cut it up and then ended up making. En fait, il y a eu plusieurs prises et ensuite au montage, ça a donné ce que tu as vu comme vidéo, quoi. But it's very much about everyone has their own kingdom and with that film clip, we're kind of running with that idea. So, en fait, ça raconte un petit peu que tout le monde a son propre royaume. C'est un peu l'histoire de la vidéo. Et que tout le monde est beau. D'accord. Bisous Eva, je t'embrasse. Merci, bisous. À bientôt. Thomas, ça va Thomas? Après, on va faire le titre en live parce que je le kiffe ce morceau. J'adore, je peux pas le rechanter. Non, c'est vrai que c'est moi. Mais ça monte haut, ça monte très haut. J'adore. Sublime, t'es au top. Attends, si j'ai une question chiante. Est-ce que c'est un remix en fait qu'on écoute là? Est-ce qu'il y a une version déjà originale sans les bam bam bam bam? The song we hear on the radio is a remix. Is there another version without the bam bam bam, like you said? Yeah, 100%. The original, it's out there. But tu l'as trouvé quelque part, oui. Yeah, the remix is very much a very dance version, but the original still has a bit of move to it. Donc en concert, elle fait laquelle? So, well, like, if you're performing in a concert, which one will you do? I like the remix. I like doing the remix. Elle aime bien le remix parce que c'est plus dance. Quoi. Yeah. D'accord. You can jump a lot to it. Voilà. Tu peux sautiller, t'amuser. Thomas a posé sa question ou pas? Non. Vas-y, mon Thomas. Question et après on se fait ma question. Vas-y. Bonjour, Evangeline. Hello. Et moi, ma question, c'est quelles sont ses influences déjà et avec qui elle rêve de collaborer? He would like to know what your influences are and who you would dream of working with. Oh my gosh, there are so many people. Oh I have gosh. A dream. Il y en a beaucoup. Oh my gosh, yeah. My gosh. Influences. I have heaps because I listen to a lot of rap music, so I like the sounds and the like percussion in rap music. Elle écoute beaucoup de rap, donc elle aime bien le son du rap et des percussions. And then I listen to a lot of like heavy metal, so I like. C'est aussi du métal. Ça se ressent bien dans le morceau. C'est tout l'inverse de ce qu'elle fait. In the lyrics, though, in the way that songs are structured, it's very similar. En fait, dans la structure de la chanson, elle te dit que c'est un peu similaire. D'accord. But then I just like dance music, so that's why it's. Mais voilà, elle aime aussi la dance, c'est pour ça que. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on se fasse le titre en live. Ouais, he wants to hear you play live. Ready? Are you ready? To sing. Allez, écoutez cette voix jolie. Vous l'entendez? Là, c'est le morceau normal que vous entendez. Ça c'est le type que vous kiffez. Et ben là maintenant elle est ici avec nous ce soir et vous allez l'entendre. Nous on a juste entendu la voix en train de se chauffer juste avant. Ouais. C'est très mignon, c'est planant. Très joli, montez le son chez vous à la maison. Elle a des jolies lunettes. Elle est jolie hein. Ouais. Elle est jolie. Elle a un look marrant. Says you're pretty. Pas mal. Oh, thank you. Everybody is beautiful. Everyone is beautiful. Caca arc-en-ciel. On fait beaucoup de bruit pour Evangeline qui est notre invitée sur NRJ. Écoutez ça. Things I let you in. It's dark and quiet. A simple sip. My mind moves miles. Take you away. Far from what you know. Golden throne, eyes like the moon, they're dark and quiet. A simple spark, it ignites my heart. Take you away, far from what you know. Take me away to my golden throne. Close your eyes, you'll find blink twice. Take a hit. Let it sink in. Drafts and faded, nearly there. No control. C'est dans le top 5 des titres viraux Spotify, plus de 3 millions d'écoutes sur Spotify, SoundCloud et YouTube. Faites du bruit pour Evangeline qui est avec nous. Tous les matins sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Caroline ? Oui ? De Toulouse ? Oui ? Quel est le seul animateur radio qui va maintenant doubler ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Ton salaire, c'est 1300 euros, je vais le doubler. Tu vas toucher 2600 euros. Ah, que du bonheur. Merci, merci beaucoup, Manu. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9.

l'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Je suis en feu. Ce soir, je suis un warrior. Appelle-moi Stephen Curry. Je suis en feu. Je sors de deux heures de sport. Amène-moi des cheerleaders. Je suis en feu. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. Je suis en feu. Ce soir, je ne joue pas, mais je repars avec les trophées. Je suis en feu. Tu m'appelais Kirikou. Ce soir, je suis John Covey. Je suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis en feu. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez. Sous les bras de Julie, le mec il est tout intervenu ou pas? Ouais, ouais, c'est bon. Tu sais que l'émission elle est presque finie, je veux pas te. Il y a Guillaume après nous, okay, hein. C'est... Tu les aurais fait pousser. Non, pas le vendredi, Julie. Si, si, tous les si, vendredis. Ça y est, il est là maintenant. Là, après, ouais. Ah, ça a changé. Ah, d'accord. Si vous me tenez pas au courant, oui, c'est vrai. Machin, j'étais pas au courant, c'est moi. Ah, d'accord. Bon, alors, tu coupes ou pas? Ouais, je suis en train de couper là. Eh ben, ouais. On la fera en antenne la photo. On fera une très jolie photo de Julie. On est pas obligé, les gars. Non, que, bon, tu seras très belle avec. Non, ça sans poil. Tu seras très belle avec ça bien, tes poils. On fait ça bien, on la fera. Pietre, tu fais quoi ce week-end? Boisson mon... et sport. Non, j'ai mon pote de Bali là, qui est là en ce moment, que vous connaissez. Et il est chez moi ce week-end, donc. Boisson. Boisson. J'allais dire Guéguette. Loris, moi, je vais vous faire réviser le code à toi et Julie. Pourquoi? Parce que je vous ai inscrit. Je vous l'ai dit avant-hier à la poste. C'est vrai, les. Ah, oh là là. J'ai sorti 30 euros de ma poche. Hein, non, mais toi, ce week-end. C'est censé passer quand? Le 10 octobre, il m'a dit tout à l'heure. C'est ça. Ouais, t'es sérieux? Ah, si, si. La fois que j'ai passé le code. Il nous a vraiment inscrit. Et le 10 octobre, oui, on passe l'examen. Le code à la poste. Quoi. Ouais. J'ai téléchargé une appli. Ouais. Je vais être franc avec vous. Ouais. Je l'ai passé hier chez moi, dans mon canapé. Combien de fautes? 17. Wow, 17 fautes sur 40 questions. Mec, il y a des questions. C'est improbable, hein. Écoute-moi bien, il y a des questions. Tu dois regarder dans ton rétro. Ouais, ouais. Panneau de devant, panneau de derrière, panneau de gauche. Et ils sont allés me chercher un putain de panneau en losange qui était dans la rue en face de dos. Ouais, le mec dit, bah non, regardez, il a un panneau en losange. J'ai vu le panneau la en merde. Losange, moi. J'avoue. Ah, c'est dur, t'avais pas tes lunettes. Puis des questions. Puis des questions bien salopes. Genre, est-ce que tu peux t'arrêter c'est ou dur, stationner hein. ou machin. T'es sur une autoroute, bah oui. Et non, c'est une route départementale à deux voies. Ah là là. Et il va falloir faire voir que tu nous fasses réviser, Lolo. Vous allez réviser, oui, c'est sûr. Faut l'avoir. Faut pourrait réviser dans l'émission. Oui, oui, bah oui. Je vous ferai une intervention surprise la semaine prochaine. Ça va être un kiff parce qu'il y en a peut-être plein qui nous écoutent qui doivent le réviser aussi. Donc on le fera ensemble. Je pense qu'on va se manger. Ah ouais, je pense aussi, ouais. Il y en a une qui sait qui doit passer le code dans le public. Ah ouais, bah. Il y en a deux. Bah écoutez-nous la semaine prochaine, ça va être utile. Hein, ça va être... Dans la même galère que combien vous. Tu fais de fautes, mademoiselle, au premier rang, si t'as déjà fait des simulations cinq. Ou pas 5 fautes. Connasse. Ouais. C'est 12 de moins que toi, tu mec. Tu passes quand? Normalement dans le mois d'octobre. Il faut en faire 4, c'est ça? Ou pas plus de 5. C'est minimum 5. Minimum 5, d'accord. Maximum 5. Enfin, maximum. Ouais, ouais. Parce que minimum 5, je gagnais. Hein. Avec, bien, alors. Avec mes 17, ils me le donnaient avec une fanfare. Hein. Bon, bah. J'ai la pression, moi. Faut on va s'y mettre ce week-end. Hein. Faut que j'achète le livre, le bouquin du code, là. Oh là là, bah, on va s'y... Il y a des applis un peu plus modernes oui, maintenant. Oui. Mais bon. Ouais, mais bon, je pense qu'il faut apprendre quand même. Allez, bientôt, on va aller vous voir pour le One Man à Samer. C'est dans le nord, à côté de Boulogne-sur-Mer. On va aller dans pas mal d'endroits. On va aller bloquer, on va aller vers Toulouse. Ouais. Notez tout ça. On est en train de vous mettre un truc avec toutes les dates. Venez voir le nouveau spectacle. On va y avoir